Entre eux. Avec Émilie Perrault. Avec Émilie Perrault. Je vous propose maintenant de faire une incursion dans le récit de deux familles ukrainiennes portées à la scène par des artistes qu'on est très heureux d'avoir en studio aujourd'hui. Le premier est arrivé au Québec en 1996. On l'a vu dans de nombreuses pièces de théâtre au petit écran, notamment dans Doute raisonnable, dans X-13 qui vient tout juste de sortir. Et on le voit ces jours-ci dans la pièce Moi dans les ruines rouges du siècle au Théâtre du Cep à Montréal. Bonjour Sacha Samar. Bonjour, Émilie. Très heureuse de faire ta rencontre. Et le second, il est sorti de l'École supérieure de théâtre de l'UQAM en 2021. Depuis, il a collaboré avec différents artistes, dont Mélanie Demers, Michel-Maxime Legault. Et depuis lundi, il est sur scène au Théâtre d'aujourd'hui à Montréal pour présenter la pièce Shevchenko. Shevchenko. Shevchenko, ouais. Qui l'a lui-même écrite. Donc, Guillaume Chapnik, bienvenue Merci. À l'émission. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté l'invitation à tous les deux. D'ailleurs, vous êtes sur scène ce soir, oui. Chacun dans votre théâtre respectif. Généralement, ça ressemble à quoi l'après-midi quand on est au théâtre le soir? Moi, j'arrive au théâtre tôt. Je passe du temps avec mes collègues, je m'étire, je fais un bon réchauffement vocal, puis j'angoisse. Ça ressemble à ça. Super. Et pour Sacha? Mais c'est à peu près la même chose, mais disons que j'essaie de rentrer au plus tôt possible au théâtre, ou quitter la maison, quitter la ville au plus tôt possible pour... J'aime être assis devant, dans la salle vide et regarder la scène. C'est comme vrai? Ça, je me calme beaucoup. J'imagine comment ça va être fait et j'essaie de capter l'énergie qui existe déjà. Mmh. Oui, c'est un peu ésotérique, mais c'est ça, ça ce que je fais. Ça ressemble à ça, moi aussi, honnêtement. Ah, ouais. Mais je trouve ça très méditatif, en fait. C'est intéressant. Je le disais, donc, au début de l'heure, ce début de printemps, l'Ukraine est à l'honneur au théâtre à Montréal. Il y a aussi au 4 sous la pièce La fin de l'homme rouge qui est présentée jusqu'au 23 mars dans une mise en scène de Catherine de Léan. Et donc, il y a vos pièces à tous les deux. D'abord, je me tourne vers Guillaume Chapnik. Quel est ton rapport à l'Ukraine, Guillaume? Mais moi, c'est un rapport qui est assez éloigné. Pour être honnête, moi, ma mère est québécoise, mon père est d'origine slave, polonais, ukrainien. Il a grandi à Winnipeg. C'est là qu'il y a une des plus grandes communautés ukrainiennes slaves au Canada. Fait que mon rapport à l'Ukraine, c'est grâce à mon père. Quand j'allais à Winnipeg, dans sa famille, ici, c'était très québécois. J'ai un mononcle Michel, puis tout ça. J'ai une vie très québécoise ici, mais à Winnipeg, c'est comme complètement autre chose. C'est plus proche donc de ces racines-là. Et ton père, c'est le point de départ de cette pièce. Absolument, absolument. Mon père, qui a été malade, qui a eu une maladie neurodégénérative, puis j'ai été proche aidant, comme tout le monde dans ma famille. Mm-hmm. Alors, c'est inspiré de tout ça. C'est l'histoire de trois jeunes fils, trois jeunes frères qui s'occupent de leur père, qui est malade, qui est d'origine ukrainienne. Et le titre, ça fait référence à qui? Ça fait référence à Taras Shevchenko, qui est le poète national, une figure ukrainienne historique, très importante. Puis aussi, c'est un nom qui est assez commun en Ukraine, un nom de famille commun. Fait que moi, je voulais comme lier l'historique, l'important, puis le quotidien un peu. C'est pour ça que j'ai choisi ce titre-là. Et qu'on entende la langue aussi. Tout à fait, oui. C'est important. Ouais. Sacha, donc la pièce « Moi dans les ruines rouges du siècle », c'est un texte d'Olivier Kemed. Ça a été monté en 2012, d'abord au Théâtre d'aujourd'hui, là où est présentement Guillaume. Alors Guillaume, peut-être qu'il y aura d'autres salles peut-être. Par la suite. Bon ça point a été... de départ. Ça a été repris au Théâtre 4 sous, toujours à Montréal en 2015. Et là, c'est présenté chez Ducep. Qu'est-ce que ça raconte, cette histoire-là? Je dis que c'est écrit par Olivier Kemed, mais c'est ton histoire. Oui, l'histoire, en fait, c'est l'enfance de Sacha Samar, de moi, qui est en recherche de sa mère. Il le fait pendant 22 ans, dans un pays qui tombe en ruine, parce que c'est la fin de l'Union soviétique, un empire énorme. Et puis, avec toute cette bordel et changement radical, il y a tout petit homme qui essaie de... juste retrouver sa mère. C'est pas l'histoire de Nemo, mais... mais il y a des ressemblances. Il y a des ressemblances. J'avais lu quelque part que Michel Côté, le comédien, oui. avait tellement aimé l'expérience au théâtre qu'il avait voulu l'adapter au cinéma. Oui, absolument. On a travaillé pendant 2-3 ans. On a fait un scénario ensemble. Michel, Olivier et moi, tous les trois, on a fait le scénario complet. En fait, il restait juste faire un dépôt pour la production. Et en ce moment-là, il y avait des problèmes qui sont liés souvent à la production de films. Et puis, ça tombait... Qu'est-ce qui l'avait touché dans cette histoire-là? Pourquoi il voulait l'adapter? Mais je pense qu'il trouvait ça... Pour moi, Michel était... En fait, le film que j'ai adoré et qui m'a beaucoup lié avec Québec... C'était crazy, évidemment. Et puis, j'étais très touché quand je l'ai vu dans le hall de théâtre, qui m'a regardé avec ses yeux pleins d'eau. Il dit, écoute, si quelqu'un va te parler de faire un film, refuse. Attends-moi, parce que je pense que c'est quelque chose que ça m'intéresse. J'aimerais réaliser un jour un film et votre histoire... C'est ça que je veux faire. Wow. Et puis après, il était de retour 2-3 fois avec le producteur. Et on a avancé très bien sur cette histoire. Et lui, mais c'est l'histoire familiale, encore une fois, relation père-fils, ce qui était dans Crazy, ce qui est dans sa vie, était dans sa vie avec Maxime. Et j'imagine que c'est ça qui le touchait beaucoup dans l'histoire de Sacha et son père. Donc, dans les deux cas, on est dans des histoires familiales, hein, ce qui vous concerne. Donc, après Michel Côté, je suis curieuse d'entendre ce que Guillaume Chapnick a pensé de moi dans Les Ruines Rouges du siècle, parce qu'on t'a demandé donc d'aller voir la pièce qui est présentée chez Dicep. Qu'est-ce que tu retiens de ce texte-là, Guillaume? Moi, j'ai adoré ça. J'ai été très touché aussi. Tu sais, t'as fait un blockbuster slave, bravo, c'est immense, tu sais, la salle de Dicep, puis c'est incroyable que cette histoire-là est là, qui est une histoire qui est très intime, mais l'intimité est partout dans la salle, tu sais, elle déborde dans cette salle-là. Puis moi, ça m'a touché beaucoup, évidemment, la relation parent-enfant, père-fils, mère-fils. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de ressemblances... De ce côté-là, de nos pièces, tu sais, il y a ça qui... Oui, absolument. Ouais. Dans les thématiques, ce qui ressort. Et on a demandé donc aussi, évidemment, à Sacha d'aller voir... je me réessaye, c'est Shevchenko? Shevchenko. Donc, Sacha, tu étais là lundi soir, parce que la pièce, c'est la première représentation, là. Oui, j'étais à la première, dans la même petite salle avec la famille de Guillaume, qui était là aussi. Et donc, mais je sentais vraiment que c'est une famille qui assiste à quelque chose de très familial. Donc, c'était très chaud dans la salle, très chaleureux. J'étais très heureux de voir la pièce qui... selon les circonstances, cherche pas à glorifier l'Ukraine, parce que c'est un raccourci facile à faire aujourd'hui pour attirer attention et comme genre compassion, etc. Mm-hmm. C'était honnête. C'était, encore une fois, c'est l'histoire relation père et ses fils, mais aussi entre les fils, qui sont l'histoire de héritage. Mm-hmm. Héritage de souvenirs aussi, parce que le père, il perd de plus en plus... capacité de garder mémoire, etc. Et chaque souvenir compte. Ouais. Et j'ai beaucoup aimé à chaque fois qu'on on attendait dans la salle, est-ce qu'il va se rappeler cet épisode ou pas? Mm-hmm. Et ça nous dit jusqu'à quel point on est fragile aussi dans la vie. Et qu'est-ce qui est plus important de perdre s'il faut choisir perdre quelque chose? Mm-hmm. C'est quoi? Et tu vois, moi j'ai perdu le pays, mais j'ai pas perdu mes souvenirs, etc., etc. Les parallèles sont vraiment très touchants et intéressants à suivre. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. En fait, la pièce, la grandeur, c'était comme... On était très intime, c'est autre rapport spectateur-public. Oui, par rapport à une très grande salle. Par rapport à chez Dicep. Je suis sûr qu'on est capable de jouer les runes aussi dans la petite salle. Ouais. Mais ce n'est pas ça le but de s'adapter. Ouais. Le but, c'est adapter la pièce pour rencontre avec le public. Ouais. Et je trouve que cette rencontre, il a eu lieu. Et elle a eu lieu, et c'est ça qui compte. Moi, j'étais touchée, extrêmement touchée. C'est intéressant ce que tu dis par rapport au rapport à l'Ukraine, où ça aurait pu être facile de juste essayer de glorifier, c'est pas là où on va. Moi, j'ai envie de savoir, parce que là, on a souligné l'anniversaire, on disait, de l'invasion de la Russie en Ukraine il y a quelques jours. Est-ce que la guerre, ça a changé le rapport à la pièce? Guillaume, au moment où l'invasion a commencé, tu avais terminé d'écrire la pièce, j'ai bien compris. Oui, la pièce était complète. Je l'ai écrit... Je l'ai terminé en janvier 2022, fait un mois avant avant cette guerre-là. Et mais c'est sûr que je devais en parler. Fait que c'est une pièce qui n'en parle pas, comme tu dis, Sacha, qui n'en parle pas de manière explicite. Mm-hmm. C'est plus dans le non-dit, c'est subliminel un peu. Alors j'ai rajouté une scène qui parle de ça, mais je voulais parler d'autre chose avant tout. T'sais, je voulais parler de l'Ukraine, pas en guerre nécessairement, ouais. juste de cette culture-là qui est vibrante puis ouais. merveilleuse. Et pour moi, dans les ruines rouges du siècle, on sait que ça a été d'abord présenté en 2012. Quand on arrive en 2024, est-ce qu'il y a des choses qui ont été changées dans la pièce? Oui, il y avait certains passages qu'on a changés parce que, initialement, tout d'abord, ce qui a changé pour moi, c'est le petit Sacha qui était en nostalgie avec son pays. Il a aimé, comme n'importe mm-hmm. quel enfant aime ses parents, peu importe leur qualité, disons. Ouais. Donc, j'ai aimé ce pays-là. Mais aujourd'hui, tout à coup, pas tout à coup, mais depuis 2 ans, j'ai compris que je ne peux pas donner cette nostalgie et l'amour à ce pays complètement, sans aucun changement, parce que c'était une des raisons pourquoi cette guerre a éclaté. Certains Poutine a décidé que tout le monde est tellement nostalgique et tellement en amour avec cette Union soviétique que pourquoi pas le reproduire encore ouais. une fois, même si c'est par violer les autres qui sont à côté et peut-être pas d'accord. Donc, on a changé certains passages parce que quand c'était créé, synonyme de la Russie et l'Union soviétique, c'était en fait synonyme. Ouais. Et l'Ukraine était juste une république parmi les autres. Et aujourd'hui, je ne pourrais pas sortir les répliques comme la Grande Russie, tandis que je parlais de Grande Union soviétique, ouais. comme enfant, etc., etc. Donc, petite affaire, petit changement de texte était nécessaire, parce qu'aucunement je voulais glorifier agresseur. Est-ce que c'est un geste politique, choisir d'aller voir un spectacle? Je crois que n'importe quel... en fait, aller au théâtre, c'est jamais forçant. Personne ne nous force. Donc, c'est un choix, déjà. Après, est-ce que c'est choix politique, familial, émotionnel? Chacun ses propres critères. Pour moi, aller voir, disons, Shevchenko ou moi dans les ruines rouges, oui, aujourd'hui, c'est un choix politique un petit peu. C'est supporter, donner un petit peu d'amour à le pays d'origine, à cette Ukraine qui est en détresse. Mais si ça enlève aucunement votre désir d'aller avoir un plaisir esthétique, oui. émotionnel, juste changer Netflix pour une pièce de théâtre. ouais. Et pour toi, Guillaume? Ben, je suis assez d'accord. Je suis très d'accord. Puis... T'sais, ton spectacle, il est rassembleur, il est plaisant à voir. Mm. Ça fait du bien de voir des spectacles comme ça. Fait que, allez-y, soyons politiques, allons voir ces spectacles-là. Ouais. Peu importe les raisons, venez. Exact, c'est ça. Mais c'est qu'on en vient parfois à se poser des questions. J'ai des amis qui sont allés voir, par exemple, Slavasnow Show récemment, puis qui disaient, mm-hmm. OK, est-ce que c'est correct? Je comprends, oui. Est-ce que je vais voir le spectacle d'un clown russe? Qu'est-ce que ça dit? Les spectateurs peuvent avoir ces questions-là. Mais oui, évidemment, parce que il y a des chanteurs russes qui ont quitté la Russie parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. Il y a des grands danseurs de ballet qui abandonnaient tout. Et il y a des comédiens qui disent « Ah, mais où est-ce que je vais travailler? Je vais rester ici. » Ils se taisent, ils continuent à faire leur job à Moscou avec la grande lettre Z sur la façade de leur théâtre, qui ça veut dire ils supportent la guerre. Et pourtant, dans la cuisine, peut-être ils disent autre chose. Mais pour moi, aujourd'hui, les choix doivent être radicaux. Si quelqu'un quitte son pays, il vient ici à Montréal, il fait une Slavasnow Show, mais il est contre la guerre, je suis avec lui. Et si c'est même Québécois qui n'a aucun rapport avec la Russie, mais s'il dit que Poutine a raison, je ne vais pas aller voir sa pièce. Ouais. Donc, pour moi, ce n'est pas la nationalité qui fait le choix, c'est ta position par rapport à génocide, carrément pour moi. Oui, c'est là où on fait la différence. Merci beaucoup à vous deux d'avoir accepté notre invitation pour cette rencontre. C'est vraiment un plaisir de vous réunir en studio. Alors, je rappelle, moi, dans les ruines rouges du siècle, c'est présenté chez Duceppe à Montréal jusqu'au 30 mars. On invite les gens à aller le voir pour être émus, comme l'a été Michel Côté. à l'époque, également, Shevchenko est présenté à la salle Jean-Claude Germain. C'était au Théâtre des Jours d'aujourd'hui. C'est jusqu'au 23 mars. C'est le premier spectacle de Guillaume Chafnick. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Dans un instant, je vous propose une entrevue avec l'auteur Guillaume Musso pour son roman Quelqu'un d'autre qui est arrivé en librairie hier. Emmène-moi au-dessus du monde. J'ai une fabuleuse érection. Emmène-moi au-dessus du monde. Je suis aux commandes de tes seins. au-dessus du monde, au-dessus du monde. Au-dessus du monde, Jimmy Hunt, une chanson choisie par notre programmatrice invitée cette semaine, Émilie Laforêt. Écrivain star est le qualificatif utilisé fréquemment dans les articles qui accompagnent la parution de chaque nouvel ouvrage de mon prochain invité, même si on se doute qu'il n'adhère pas tant à ce symbole. Son deuxième roman, Et après, paru il y a 20 ans, l'a projeté dans les hautes sphères des palmarès et le public a toujours été au rendez-vous depuis. On l'accueille au lendemain de la parution de son 21e roman, Quelqu'un d'autre, dans lequel un pianiste presque aussi populaire que Ludovico Einaudi est accusé du meurtre de son épouse. Guillaume Musso, bienvenue à Il restera toujours la culture. Merci. Guillaume, est-ce que vous avez écouté ce genre de musique en écrivant le livre? Ce qu'on entend en ce moment, c'est Ludovico Einaudi, justement. Oui, oui, ça fait partie des musiques que je peux écouter, comme Philip Glass, Keith Jarrett, Meldo. Stephen King disait toujours, voilà, il faut trouver, pour arriver à écrire, il faut trouver un moyen de fermer la porte. Et fermer la porte, ça veut dire trouver un moyen de s'abstraire de sa vie quotidienne et de sa réalité pour se projeter dans le monde imaginaire de son roman. Et chez moi, la musique joue ce rôle-là, c'est presque un réflexe pavlovien. C'est-à-dire qu'il y a quelques musiques comme ça que je n'écoute qu'en travaillant. Et donc, ça contribue à créer une sorte de cocon propice au rêve et à l'écriture. Oui, ça permet donc une concentration. Dans ce roman, encore une fois, il y a beaucoup, beaucoup de citations en exergue. C'est un peu une signature chez vous, Guillaume Musso. Beaucoup de citations sur le thème de la vérité. J'en cite quelques-unes. « La véracité des êtres se trouve dans le mensonge », Junichiro Tanizaki. On lit également « La vérité, il faut le dire, est intenable. L'homme n'est pas fait pour la soutenir. Aussi l'évite-t-il comme la peste », Émile Cioran. Est-ce que c'est ce thème-là qui vous obsède dès au moment de commencer l'écriture de ce roman? Oui, je voulais écrire un livre sur les secrets au sein du couple et notamment sur cette différence entre les apparences et sur ce qui se passe vraiment à l'intérieur des couples. On a tous en mémoire parfois, on peut voir des couples comme ça flamboyants dans son entourage ou au restaurant, mais finalement on ne sait pas ce qui se passe vraiment dans leur intimité. Et c'est sur ce paradoxe-là que je voulais écrire, et sur forcément la complexité de l'âme humaine, avec cette idée finalement qu'on est tous quelque part traversés par le bien et le mal, et avoir des personnages, comme disait Simenon, qu'on va essayer de comprendre et non pas de juger. Donc, les citations, d'ailleurs, vous venez d'en faire une à l'instant, est-ce que ce sont comme des indices? Le livre commence avec Milan Kundera, « Ne pouvoir vivre qu'une vie, c'est comme ne pas vivre du tout ». Oui, alors ça peut être des indices, c'est des petits cailloux comme ça qui sont laissés tout au long de l'histoire, avec des citations qui parfois entrent en écho avec le chapitre, parfois qui développent justement une idée contraire. C'est aussi surtout une forme d'honnêteté intellectuelle, de ne pas m'attribuer des choses qui ne sont pas de moi, de citer mes sources et surtout d'être une sorte de passeur de culture. Moi, j'aime bien quand on me dit, ah ben voilà, je me suis renseigné en lisant votre livre sur tel ou tel auteur parce que vous les citiez et finalement, j'ai lu leur roman. Donc tout ça, la culture, ça doit être aussi le partage, la transmission. Moi, j'étais professeur pendant 10 ans. J'ai gardé cette idée, voilà, de transmettre aussi. J'aime bien que la lecture d'un roman entraîne la lecture d'autres livres. Oui, mais vous êtes quel genre de lecteur, Guillaume Musso? Est-ce que vous surlignez tout ce que vous lisez? Parce que pour les accumuler, ces citations-là, j'imagine, il doit y avoir des notes qui sont prises à droite et à gauche. Oui, moi je crois que depuis que j'ai 15 ans, je lis toujours avec un crayon à la main, en fait. C'est une sorte voilà, d'instrument pour se concentrer. J'ai pas de fétichisme par rapport au fait qu'on ne doit pas corner les pages d'un livre ou qu'on ne doit pas écrire dessus. Non, un livre, c'est fait pour être comme ça, pour être lu, pour être assimilé. Donc oui, j'ai des carnets dans lesquels je peux noter des idées, des citations, et qui vont comme ça rester avec moi comme des sortes de graines plantées qui vont éclore parfois 5, 10, 15 ans après. Ouais. Donc, quelqu'un d'autre, le roman qui est paru hier en librairie, c'est l'enquête sur la mort d'Oriana Di Pietro, une femme qui est près de la quarantaine, c'est une riche héritière, elle est mariée à un pianiste, c'est la mère de 2 enfants. Elle est assassinée donc sur son yacht. Et l'histoire nous est racontée de 3 points de vue, 3 femmes. Oui. Est-ce que vous les avez écrits séparément ou dans l'ordre qu'on voit dans le livre? Non, je les ai écrits dans l'ordre qu'on voit dans le livre pour que justement ce ne soit pas artificiel et qu'on n'ait pas cette idée d'un récit puis de l'autre. Je voulais que tout ça soit très très très fluide, avec toujours cette règle de dire au lecteur, voilà, c'est aussi un jeu, personne ne ment. Donc tout ce que les personnages disent, ils ne mentent pas. Mais pourtant, personne ne s'accorde sur la vérité. Et donc au bout du compte, vous allez avoir finalement tous les indices pour résoudre un petit peu avec l'enquêtrice le meurtre d'Oriana. Je suis toujours très attentif à jouer avec le lecteur, avec cette idée que la littérature est un jeu qui se joue à deux et que dans l'écriture d'un roman, finalement, il y a le romancier, mais il y a aussi le lecteur qui vient un petit peu coécrire aussi par sa lecture. On va écouter un extrait donc de votre roman lu par la comédienne Marie-Ève Perron. Donc, dans ce chapitre, on est vraiment du point de vue d'Oriana Di Pietro qui vient d'apprendre qu'elle va mourir. Le regard des autres était le plus grand poison de l'existence. Elle avait toujours essayé de ne pas en être l'esclave. Elle ne parlerait donc de sa maladie à personne, ne se montrerait diminuée devant personne. Pour la première fois, elle s'autorisa à penser à ses enfants, Paolo et Sofia, et à son mari. Lorsque votre héritage se compte en milliards d'euros, le basculement dans la démence n'est jamais loin. Les écueils sont partout. Être parvenu à préserver sa famille de la folie de l'Empire di Pietro était la plus grande réussite de sa vie. Mais qu'allait-il se passer une fois qu'elle ne serait plus là? Savoir que la vie des autres continuerait sans elle lui était douloureux, insupportable. Un plan commença à germer dans son esprit. D'une manière ou d'une autre, il fallait qu'elle trouve un moyen de continuer sa vie. Continuer d'être là, une fois qu'elle ne serait plus là. C'était un extrait donc de quelqu'un d'autre de Guillaume Musso. Ce personnage d'Oriana Di Pietro, il est arrivé comment? D'abord, cet extrait est très très bien lu et très très bien choisi parce que c'est le point de bascule du roman. Ce personnage, oui, qui est celui d'une riche héritière italienne qui finalement va apprendre qu'elle a une tumeur au cerveau et à partir de là, elle va se mettre en quête d'une sorte de remplaçante, en fait, de trouver une femme qu'elle veut former pour servir, voilà, enfin pour essayer d'élever ses enfants, d'accompagner son mari. Il y a un fantasme comme ça de continuer à vivre même après sa mort. Un fantasme de contrôle, vraiment. C'est une femme qu'on sent contrôlante. Absolument, voilà. Et donc il est venu, il est venu en 2016. Et j'ai eu cette idée-là. La première fois que j'ai parlé de ce concept à mon éditrice, c'était il y a 8 ans. J'avais ce début d'histoire, mais j'avais rien d'autre. Voilà, j'avais pas de fin. Et c'est typique de comment les romans naissent en moi. C'est souvent un embryon d'histoire, voilà, qui est là. Et cette histoire, chaque année, ressurgissait, revenait comme ça sur le tapis, était un petit peu enrichie par d'autres choses. Et d'un seul coup, il y a 2 ans, il y a eu ce déclic parce que je me suis senti prêt. Ce que je dis souvent, c'est un roman réussi, c'est comme une histoire d'amour réussie. Une histoire d'amour réussie, c'est quand vous rencontrez la bonne personne au bon moment. Et un roman réussi, c'est quand vous avez en tête une bonne histoire, mais que vous êtes dans un moment de votre vie où vous allez pouvoir la raconter de la façon la plus juste et la plus pertinente. La première partie du roman, on retrouve plusieurs extraits d'articles, c'est des articles fictifs là, qui décrivent, oui, entre autres, l'agression subie par le personnage d'Oriana. Est-ce que c'est un plaisir pour vous de jouer avec la forme? Qu'est-ce que ça apporte au récit? Oui, c'est un plaisir, c'est ludique d'à chaque fois essayer de trouver la forme qui soit la plus adaptée à ce que je veux dire. Et là, effectivement, le roman s'ouvre avec un chapelet comme ça de coupures de presse. C'est à la fois ludique, efficace, et on entre directement, voilà, dans l'histoire. On a des informations qu'il faudrait une cinquantaine de pages à ventiler, sans ça. Voilà, et donc on amène du factuel. Il y a aussi dans le roman, il y a une notice Wikipédia, il y a des tweets, il y a des dessins d'enfants auxquels je suis très attaché, parce que c'est ma fille de 6 ans qui les a dessinés, et ça rentrait un petit peu vraiment en écho avec ce que je voulais écrire, puisque une grande partie du roman tourne autour d'un traumatisme lié à un accident de voiture dans lequel une petite fille finalement est à la fois victime de ça et déclenche cet accident-là. Donc oui, il y a ce jeu avec la forme qui doit être à la fois efficace, ludique, et qui à chaque fois... Alors ça ne doit pas être un gadget, ça doit être vraiment... Tout est réfléchi pour que ça soit à la fois le plus efficace possible, mais le plus fluide aussi pour la compréhension et le plaisir de lecture. Le roman se déroule sur la Côte d'Azur à Antibes, c'est tout près de Cannes, où vous avez grandi, Guillaume Musso. La classe ouvrière côtoie donc là-bas la grande richesse. On connaît bien sûr le Festival de Cannes. Il y a une fascination, le sens souvent que les gens ont pour ce monde-là. Et pourtant, vous dites, je n'ai jamais rencontré quelqu'un avec énormément d'argent en me disant, lui, il doit être plus heureux que moi. Oui, ça c'est vrai. Alors, sur la Côte d'Azur, moi j'ai vécu mes 25 premières années là-bas, et j'ai toujours eu cette impression finalement que cet endroit était ambivalent. C'est à la fois effectivement des paysages de cartes postales, c'est de la richesse, des célébrités, mais vous avez aussi parfois des choses moins glorieuses. Moi, quand j'étais adolescent, à 15-16 ans, je travaillais, je faisais quantité de petits boulots, je nettoyais les plages d'Antibes, de Juan-les-Pins, du Cap d'Antibes, et j'ai été frappé effectivement par la dualité de cet endroit-là, et qui est finalement un théâtre très très très adapté à ce type d'histoire. Et donc, au départ, c'était presque par facilité que je, parce que je connais les lieux, que j'ai situer cette histoire-là. Et plus j'avançais dans l'histoire, plus je comprenais qu'en fait, oui, non, ce décor devait devenir presque un personnage à part entière. Ouais. Bon, c'est le moment de l'entrevue, Guillaume Musso, où on va parler de chiffres de vente, parce que ça semble un peu inévitable. Vous avez trôné au sommet des ventes pendant de nombreuses années en France. Et là, il y a plusieurs médias qui attendent de voir si vous allez retrouver votre première place au classement avec cette nouveauté. Comment est-ce que vous vivez ça, le marketing qui accompagne votre œuvre, le fait qu'on vous parle toujours des chiffres de vente quand on fait une entrevue avec vous? Est-ce que vous vivez bien avec cette pression-là qui est quand même un peu mercantile? Oui, tout ça est un peu mis en scène. C'était dans ma vie quotidienne pendant 10 mois. En fait, je reste enfermé à écrire. J'accompagne mes enfants à l'école le matin et je fais des journées de 9h à 19 ou 20h. Donc, vous êtes seul chez vous comme un artisan. Et vous n'êtes pas du tout dans le costume de l'écrivain à succès. Et surtout, quand vous écrivez, vous ne jamais avoir à l'esprit que vous allez être lu par 1 ou 2 millions de personnes, parce que sinon, vous êtes complètement paralysé, vous n'arrivez pas à faire une phrase. Donc tout ça, oui, on me le ressort au moment, disons, pendant les 3 semaines de promo, mais sinon... Sinon, je n'ai jamais ça en tête et je vis très bien avec ça. Il n'y a pas de pression particulière, tout ça est plutôt joyeux. Enfin, la sortie d'un roman, moi, je considère ça que c'est un moment plutôt de fête, de joie, de plaisir. Et je ne me prends pas la tête exagérément avec tout ce qui tourne autour des chiffres de vente. Donc, je comprends, vous n'êtes pas en train de surveiller le palmarès et les chiffres de vente de Mélissa Dacosta tous les jours, c'est ça? Non, mais en plus, je n'ai pas écrit de livre en 2023, donc forcément, vous ne pouvez pas être champion des ventes quand vous ne participez pas au jeu. Absolument. Kylian Mbappé ne sera pas meilleur buteur du championnat de France de football la saison prochaine parce qu'il ne jouera plus au PSG. Donc, à partir du moment où vous ne participez pas à la compétition, vous ne pouvez pas la gagner. Et de toute façon, l'écriture n'a jamais été une compétition. C'était plutôt à la base quelque chose qui était justement lié au désir de fuir le côté un petit peu trop rationnel de la vie. Absolument. En terminant, en plus de l'apparition de votre livre cette semaine, vous avez reçu un grand honneur. Lundi, l'école de Jouan-les-Pins, gare d'Antibes, a été rebaptisée École Guillaume Musso. Comment est-ce que vous recevez cet hommage? C'est un honneur, un plaisir, une immense fierté. D'abord parce que c'est effectivement la ville qui m'a vu naître et où habitent d'ailleurs toujours mes parents, et c'est aussi une école, et moi j'ai toujours dit combien l'école avait été déterminante dans ma vie, à la fois parce que d'abord c'est beaucoup l'école qui m'a amené à la lecture, et ensuite c'est parce que c'est un professeur de français qui en classe de seconde, à l'âge de 15 ans, m'a fait écrire mon premier texte, qui était une nouvelle, qui m'a donné... confiance en moi, qui a su avoir un regard bienveillant et qui a déclenché effectivement ce virus et ce déclic par rapport à l'écriture. Alors, Guillaume Musso, qui est aussi désormais le nom d'une école, on vous remercie pour cette entrevue. On peut se procurer votre roman « Quelqu'un d'autre » qui est en librairie depuis hier. Et c'est une sortie mondiale, donc il est disponible partout. Le livre a été publié aux éditions Kalman-Lévy. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci. Merci. À bientôt. Et c'est là-dessus que se termine notre émission aujourd'hui. Moi, je vous donne rendez-vous demain dès 13h30. On retrouvera non pas le duo Tadom, mais le duo Meldom. C'est Mélissa Lavergne qui sera là en remplacement de Tatiana Polovoy avec Dominique Tardif. Mais il y aura toujours le Club d'écoute qui est au programme, entre autres les albums d'Erika Angel et des Bleachers. On vous propose aussi un Tinder littéraire. Catherine Trudeau, comédienne, mais également autrice, a choisi Élise André-Héroux, l'autrice du roman 4 Clémentines éparpillées. Il y a également Daniel Legrenier qui va venir plaider pour la traduction d'un livre incontournable à son avis. Et on en profite pour rencontrer la comédienne Joanie Guérin qu'on a découverte dans la série Audrey est revenue et qu'on verra dans la deuxième saison du Temps des framboises. Donc c'est un rendez-vous demain dès 13h30. Capsule linguistique avec Guy Bertrand. Toutes les catastrophes sont-elles des tragédies? La tragédie est un événement pénible qui inspire une émotion intense. L'aspect humain est l'élément essentiel d'une tragédie. La catastrophe est un grand malheur qui arrive subitement et le désastre est une situation malheureuse dont les conséquences sont très graves. Le cataclysme est un bouleversement causé par un phénomène naturel destructeur comme un tremblement de terre, un ouragan ou un raz-de-marée. Enfin, la calamité est un grand malheur qui touche l'ensemble d'une population. La famine, la guerre et les épidémies sont des calamités. Catastrophe, désastre, cataclysme et calamité sont parfois employés au figuré pour parler de troubles le moins important. Le jeûne intermittent et l'alimentation intuitive, deux grandes tendances complètement opposées. Discussion avec le cardiologue Martin Junot d'un côté et la nutritionniste Karine Gravel de l'autre. Pénélope, aujourd'hui 9h, Maritime 10h. Ici première. Les problèmes de sécurité s'aggravent en Haïti avec des conséquences pour la population civile. On fait le point avec Médecins sans frontières. Midi Info. Aujourd'hui, 11h30, Maritime midi 30. Sur ICI Première. Vous écoutez ICI Radio-Canada Première. Au 95.5 à Prince-Georges et au 93.7 à Dawson Creek. Du cœur aux idées. Bonjour, ici Greta Juris. Au Québec, l'opposition accuse le gouvernement Legault d'avoir menti dans le dossier Northvolt. Pour la première fois, le ministre de l'Environnement, Benoît Charette, a avoué avoir voulu éviter à l'entreprise suédoise un examen du Bureau d'audience publique sur l'environnement pour accélérer les travaux de la méga-usine de batteries à Saint-Basile-le-Grand et McMasterville. Les maires des deux municipalités, Yves Le Sarre et Martin Dulac, soutiennent que l'acceptabilité sociale est encore au rendez-vous, mais que Québec doit faire preuve de transparence. Ça demeure accepté dans la population. Là où c'est moins accepté dans la population, c'est la façon de faire. Alors, il faut que ça soit fait livre ouvert. Moi, ce qui m'intéresse et ce qui me rassure, c'est de savoir qu'il va y avoir des évaluations environnementales qui vont être très, très strictes. Et nous, c'est ce qui nous intéresse en bout de ligne comme administration municipale, là, c'est de savoir que ce projet-là va se faire dans les règles de l'environnement, puis que Northvolt va faire preuve de la plus grande prudence dans le cadre de ce projet-là. Tous les partis d'opposition réclament la tenue d'un examen. Le ministre de l'Environnement et Northvolt persistent et assurent que même sans BAP, le projet se plie au processus environnemental. Ottawa a conclu une entente de 7 millions de dollars avec Michael Spavor, détenu pendant près de 3 ans en Chine pour espionnage. Le consultant canadien menaçait de poursuivre le gouvernement fédéral dans cette affaire. Michael Spavor accusait le diplomate canadien Michael Kovrig de son co-détenu d'avoir partagé des informations qu'il lui avait transmises sur la Corée du Nord. Le gouvernement Trudeau et Michael Kovrig ont nié ces allégations. Le premier ministre d'Haïti, Ariel Henry, est toujours coincé à Porto Rico. De retour d'une mission diplomatique au Kenya, il lui est impossible de rentrer dans son pays en raison des violences qui y sévissent. L'aéroport de Port-au-Prince ne serait pas assez sûr pour l'accueillir. Un chef de gang menace son gouvernement d'une guerre civile s'il ne démissionne pas. L'ancien ambassadeur du Canada en Haïti, Henri-Paul Normandin, souligne que le bilan d'Ariel Henry après 2 ans à la tête du gouvernement est lamentable. Il n'y a pas de processus politique en cours des élections. La crise sécuritaire s'est aggravée et la crise humanitaire s'est aggravée. Plusieurs diront que le maintien au pouvoir d'Ariel Henry est un obstacle vers la transition et vers un processus électoral, donc il devrait quitter dès maintenant. Et après, on mettra en place un gouvernement de transition. Le dilemme, c'est de dire que si Ariel Henry quitte tout de suite, sans qu'il n'y ait en place un gouvernement de transition et une feuille de route vers les élections, on se retrouve devant un vide politique. Le Conseil de sécurité de l'ONU tenait hier une réunion d'urgence à huis clos sur la crise en Haïti. La Banque du Canada soutient qu'il est encore trop tôt pour envisager une baisse de son taux directeur. Comme elle le fait depuis septembre dernier, la Banque centrale a laissé son taux inchangé à 5 % même si l'inflation au pays est passée sous la barre des 3 % en janvier. Le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, est d'avis que la prudence est de mise puisque la croissance de l'économie demeure faible. L'économiste et sénateur indépendant Clément Gignac s'attendait à une baisse du taux et s'explique mal l'hésitation de la Banque centrale. On sait qu'il y a des délais de transmission d'une politique monétaire. Or, là, depuis l'été dernier, bon, le taux directeur est resté inchangé, mais la réalité, si on regarde l'inflation, est passée de 4 à 2,9. Si on regarde l'inflation fondamentale, elle a décéléré. Donc, le fait de ne pas commencer à baisser le taux d'intérêt, ça veut dire, en clair, que les taux réels augmentent, puisque si l'inflation baisse, le taux directeur ne change pas. La politique monétaire devient de plus en plus restrictive. La prochaine annonce de la Banque du Canada sur son taux directeur est prévue le 10 avril. La décision du groupe Juste pour rire de se placer à l'abri de ses créanciers continue d'avoir des répercussions au pays. Après avoir annulé l'édition 2024 de son festival à Montréal, le groupe a confirmé qu'il tirait aussi un trait sur l'édition de Toronto. Yasmine Mehdi fait le point. C'était en 2007. Après des années de succès au Québec, Juste pour rire lançait un nouveau festival à Toronto. So I went to quite a few. Andrew Clark était un habitué du festival. Doing just for laughs was kind of like making the NHL. Faire juste pour rire, c'était comme être repêché par la LNH, explique le directeur du programme d'humour du Collège Humber de Toronto. Juste pour rire, c'était la ligue. L'humoriste Sébastien Bourgault en sait quelque chose. Le Québécois a déménagé à Toronto pour faire carrière en anglais. La carte de visite Juste pour rire lui a permis de se tailler une place dans un milieu compétitif. C'était la référence de « je suis qui, moi, dans ce milieu-là ». Sébastien est déçu de perdre l'institution qui a marqué sa carrière. Mais il n'est pas surpris pour autant. Alors que de plus en plus d'humoristes boudent les intermédiaires et font carrière sur les réseaux sociaux. Je suis triste de perdre un fleuron québécois, mais en même temps, il faut évoluer. Le groupe Juste pour rire dit espérer que ces festivals soient de retour à Montréal et à Toronto en 2025. En attendant de connaître la suite, de nombreux humoristes devront surtout compter sur les nouveaux médias pour rejoindre leur public. On va parler de mon TikTok live, let's go! C'est le cas de Sébastien, qui s'est déjà tourné vers TikTok. Ici, Yasmine Mehdi, Radio-Canada, Toronto. Et voilà, c'était les informations. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien ou que vous soyez quoi que vous fassiez. Vous savez, il arrive dans notre vie d'animateur qu'on a des invités qu'on veut recevoir depuis longtemps. Et ben, dans le cas de moteur de recherche, ça prend des questions. Hein? Fait qu'à un moment donné, ben, c'est ça, t'attends. Et là, on a eu deux belles questions sur les fourmis, et ça nous a permis d'inviter quelqu'un à qui je veux parler depuis longtemps. Je la suis depuis longtemps. Vous la connaissez peut-être si vous vous intéressez au blob. Elle s'appelle Audrey Dussutour. Elle est éthologiste et directrice de la recherche au Centre national de la recherche scientifique, le CNRS. Connaissez-vous ça, le blob? Caroline Cormier, bonsoir. Bonsoir Mathieu, je le connais probablement moins bien que notre invité. Quelle chose intrigante. C'est très bizarre, oui. Puis elle a fait une partie de sa carrière de vulgarisatrice dans les médias là-dessus. Puis c'est quand même bien, je veux dire, tu capitalises là-dessus, il y a pire. Hein? Oui, effectivement. Alors, il y a un reportage qui a été diffusé récemment sur le site du CNRS. Écoutez, on va écouter tout de suite, on va entendre sa belle voix d'ailleurs, vraiment une belle voix, nous parler de ce qu'est le blob. Écoutez, Audrey Dussutour. C'est un organisme unicellulaire, donc composé d'une seule cellule, qui appartient à un règne qu'on appelle les amibozoaires, qui est donc un règne cousin des champignons et des animaux. Ensuite, le blob, il a ce côté où il double de taille tous les jours, donc ça fait un peu monstrueux. Il est quasi immortel, puisque si on le garde au laboratoire et qu'on l'endort régulièrement et qu'on lui donne bien à manger, on peut le garder éternellement. Donc, il a toutes ces capacités qui sont un petit peu bizarres. Donc je pense que c'est ces bizarreries qui font que le blob est si attachant. Ouais. Capacité bizarre comme, imaginez, pas de système nerveux central et cet organisme-là a une mémoire. Non, mais c'est quand même incroyable. Il est capable de se repérer dans un environnement complexe, mais avec pas de système nerveux central. C'est très beau, il y en a dans nos forêts. Le vrai nom, Physarum polycéphalum, c'est le fun à dire en plus. Mais ce soir, on va la recevoir pour qu'elle nous parle de son autre sujet de prédilection, les fourmis. Et vous écoutez Moteur de recherche. Et ce soir, à Moteur de recherche, on répond à vos questions. Enfin, on a reçu une question qui nous a permis d'inviter Audrey Dussutour. Vous auriez pu écrire vous aussi, pour poser la question. C'est vrai, mais c'est son pseudonyme. On est trop honnête. Comment les fourmis perçoivent-elles le sucre? Et les colonies agissent-elles comme un seul organisme? Y a-t-il un avantage évolutif à percevoir nos différences d'âge? Pourquoi on doit refaire nos passeports 6 mois avant leur date d'échéance? Et les milliers de milliards de litres d'eau consommés par l'intelligence artificielle sont-ils soutenables? Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, on a même oublié une question, c'est l'émotion, parce que je sais pas, on est... Effectivement, c'est plutôt émotif comme oui. sujet. C'est tellement bizarre comme question. c'est d'ailleurs, bonsoir Caroline Cormier. Bonsoir. Comment la vanille artificielle est-elle née? Et on ne dira pas tout de suite, mais la question qu'on nous a posée... Ça va sur une autre tangente, hein? Oui, il y a un lien avec la partie... du corps, une partie du corps dont on parle assez rarement, je dois vous dire, dans les médias, d'un castor. Je n'en ai jamais parlé de cette partie du corps à la Radio d'État. Ça n'est jamais arrivé. Moi, j'ai jamais... En fait, ce concept-là, dans ma tête, n'existait pas, même si je sais que... Logiquement, vous le saviez, mais... Non, mais je n'avais jamais pensé à cette notion. Alors, tout à l'heure, on va vous expliquer quelle est cette partie du corps d'un castor qui aurait peut-être un lien avec la vanille. En tout cas, c'est notre chimiste en résidence qui va... Professeur de chimie, hein? Faut pas dire chimiste. Non, effectivement, je fais pas partie de l'ordre. Okay, c'est ça, je veux pas qu'on s'attire les foudres. Ah non, ils ont le bras long, hein? L'ordre des chimistes, là, ilala. Mais ils sont si gentils. Oui, mais tu veux pas... Tu veux pas qu'ils deviennent... qu'ils t'aiment pas, là. C'est pour ça que je dis qu'ils sont gentils. Ils ont toutes sortes de potions. Ça, je suis capable d'en faire aussi, mal, par exemple. Ils peuvent te faire du mal. on a également... Là, tout le monde est un peu écartelé. On est un petit peu partout. Il y a Audrey Dussutour qu'on va joindre à Toulouse tout à l'heure. Il y a Marie-Julie Gagnon qui est à Chicoutimi. Bonsoir, Marie-Julie. Bonjour, bonsoir. C'est quoi, là? Vous faites un reportage sur le fjord du Saguenay? C'est ça? Non, je vais le contempler, le fjord du Saguenay, mais je suis surtout venue visiter la famille parce que c'est la relâche scolaire. Oui, je suis en civil. Ah, OK, donc ça paraît pas là, que vous allez faire le reportage. Voilà, ça. Alors on vous parle dans cette belle station à CBJ oui. où j'ai commencé à faire de la radio. Ben oui. Toujours un petit pincement, je trouve ça toujours émotif quand je sais que quelqu'un est à CBJ. On salue tous les collègues d'ailleurs de cette formidable station de Radio-Canada. Dans notre station de Québec, là aussi, j'ai travaillé, coudonc. C'est... Tellement de jet set. Eugénie et moi, bonsoir. Bonsoir, Mathieu. Vous allez bien? Ça va bien, vous-même? Ça va très, très bien. Est-ce que tout se passe bien à la station de Québec? Oui, oui. Oui? Pas de traces de votre... Non, j'en parlerai pas en nombre de cet épisode. Mais vous m'intriguez avec votre blob, Mathieu. Je me rappelle, et là, je me demande, je poserai la question à Audrey, qu'est-ce qu'on fait quand on en trouve un? Moi, je crois en avoir trouvé un à marée basse, dans les herbes hautes. Ça fait partie d'une famille qui s'appelle les amibozoaires. C'est vraiment bizarre parce que c'est pas un animal, c'est pas un champignon. C'est comme une affaire un peu à part, mais c'est vraiment... Ça surprend, oui. Et puis c'est ça, puis c'est une cellule, sauf que c'est capable de croître, de doubler, elle l'a dit tout à l'heure, de doubler de taille par jour. Mm-hmm. Aïe! Puis ça mange de l'avoine. C'est tellement je connais du monde de même. Mais mange de l'avoine, puis ça grossit. Oui, mais vous savez que dans le reportage, non, mais c'est incroyable. Non, il faut qu'on ait des questions sur le blob et sur cette famille très bizarre. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est qu'elle est spécialiste à la fois des fourmis, Audrey Dussutour, et du blob, donc de cette amie bozoaire. Pourquoi ça? Parce que ses objectifs de recherche sont... c'est de comprendre comment des systèmes distribués qu'ils soient des colonies de fourmis ou des organismes unicellulaires, interagissent avec leur environnement. Alors donc, ce soir, il ne sera pas question de blob, il sera question de fourmis, mais elle est absolument passionnante. J'ai très hâte que vous entendiez ça. Et on va parler également de notre perception de l'âge, on va parler de cette partie de l'anatomie d'un castor qui sentirait peut-être la vanille. Voilà, voilà. Et voilà, on parle d'intelligence artificielle qui consomme beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. Et là, c'est ça, c'est moteur de recherche. Moteur de recherche, voyage. Bon, une auditrice qui nous dit, je me disais que j'étais... Non, c'est un auditeur, pardon. Je mentirais si je disais que j'étais un fidèle auditeur, mais je peux honnêtement dire que j'adore votre émission. C'est correct. On peut faire des petits... on va voir ailleurs, puis on revient. Hein? Mais, et c'est ça, ils reviennent, c'est ce qui est le fun. Ben oui, ça met du piquant. Et là, cette personne-là se demandait, savez-vous pourquoi on doit refaire faire nos passeports canadiens environ 6 mois avant l'échéance? Par exemple, pourquoi je ne peux pas partir en voyage du 1er février au 1er mars avec un passeport qui vient à échéance en juin 2024? C'est vrai que c'est comme... C'est agaçant. Non, ça, ouais. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. On va rester poli. Marie-Julie, pourquoi ça? Mais je pense qu'on s'est effectivement tous posé cette question-là quand on voit, mais oui, je m'en vais une semaine. Pourquoi j'ai besoin que mon passeport soit aussi longtemps valide? Ben, en fait, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que chaque pays a ses propres exigences sur la durée de validité du passeport. À force de fouiller, là, j'ai même vu les Français vont dans certains pays de la communauté européenne, puis ils peuvent arriver à échéance, puis ils peuvent l'utiliser même au bout de 5 ans encore. Là, donc, bref, selon les pays, il y a différentes règles qui s'appliquent selon d'où on vient. C'est important, pour, je pense, de consulter un site avant de partir comme voyage.gc.ca pour s'assurer qu'on connaît toutes les exigences des endroits où on s'en va. C'est vraiment, j'en parle souvent là, de ce site-là, voyage.gc.ca, parce que c'est vraiment le site du gouvernement canadien à visiter quand on se questionne à propos de toutes les formalités administratives, mais aussi de la sécurité, de la santé. Hein. Par exemple, quels vaccins sont recommandés pour aller dans telle zone. Parfois aussi, on exige d'avoir une preuve de vaccination pour certaines, par exemple, la fièvre jaune dans certains pays. Bref, c'est une source, je pense, qu'il faut absolument aller visiter régulièrement. Mais pour le délai aussi des traitements de l'émission des passeports, bien, ça aussi, ça varie beaucoup selon le volume de demande. On l'a vu après la pandémie, quand tout le monde s'est rué pour faire refaire son passeport. Donc, c'est mieux de ne pas attendre la dernière minute avant un voyage pour vérifier ce genre d'informations-là et refaire sa demande, justement. Mais quand on sait qu'on va revenir 2 ou 3 mois, Marie-Julie, avant que le passeport vienne à échéance, c'est quoi cette règle? C'est tellement contre-intuitif. Oui. Bien, encore une fois, ça, faudrait poser la question à chacun des pays. Mais ce qui est ressorti de mes recherches, c'est que c'est en fait une marge de sécurité, tout simplement. Un voyageur, par exemple, peut rencontrer un problème qui va l'empêcher de partir, même si son départ est prévu 2 jours après, il doit quitter le pays 2 jours après, mais pouf, je sais pas moi, il se casse une jambe, tombe dans un coma profond. Là, je dis n'importe quoi, mais il y a plein de scénarios qui peuvent se produire à l'étranger où il peut simplement aussi décider de prolonger son séjour et ça peut devenir très complexe aussi de gérer tout ça. Puis en imposant que son passeport soit valide au moins 6 mois après la date de retour prévue, bien, le pays s'assure que la date d'expiration du passeport ne posera pas problème finalement. C'est aussi simple et banal que ça, mais il arrive aussi... Et ça, c'est intéressant, je trouve. Puis c'est pour de là l'importance de vérifier les informations avant de partir. Il arrive que des pays décident aussi de retirer cette exigence-là pour faciliter l'accès au pays. Mm-hmm. Et ça, on l'a vu en République dominicaine récemment. En décembre 2023, les autorités du pays ont annoncé qu'ils cessaient d'exiger la validité du passeport de 6 mois pour les ressortissants canadiens, mais aussi pour ceux de l'Union européenne, de l'Angleterre, des États-Unis, du Brésil, du Chili, de l'Argentine, de la Colombie, de l'Équateur. Et ça, jusqu'au 31 mai 2024. Ça veut dire qu'on peut s'y rendre tant que notre passeport est valide. Par exemple, si on part du 1er au 10 mars, ben si on revient le 10 mars et que notre passeport est toujours valide disons, le 11 mars, on peut quand même partir sans souci. Oui, mais est-ce qu'on peut quand même voyager avec un passeport de manière générale qui ne vient pas à échéance plus de 6 mois après le retour? Ça peut prendre une chance? Ouais. Est-ce qu'on nous laisse la chance de prendre une chance? Ben, moi, je vous dirais que ça dépend beaucoup. vous de votre tolérance au risque et justement au stress? Parce qu'effectivement, c'est une chance à prendre, OK? Ce qui se passe souvent, c'est que les compagnies aériennes vont refuser l'accès à bord d'un passager dont le passeport ne serait pas conforme aux exigences du pays où il se rend, parce que si jamais il y a un problème à l'arrivée, bien, on retourne le passager d'où il vient. Donc, la compagnie aérienne est un peu poignée avec le passager, finalement. Donc, je dirais que de façon générale, les pays européens sont assez stricts. Moi, je connais des gens qui se sont fait carrément refuser l'accès à bord de l'avion, comme je viens de le raconter. Là. C'est arrivé à des gens, je l'ai vu et entendu, de mes oreilles entendu. Mais ça arrive aussi que, oui, ça se peut. Moi, c'est arrivé, je l'ai vécu ça aussi récemment avec quelqu'un en voyage dont le passeport est arrivé à échéance à peu près 2 mois après la date de retour prévue. Et il s'en est rendu compte la veille du départ. Il a pu partir, il a pu revenir, il n'y a pas eu de problème. Donc, ça dépend des destinations. Ah, cette personne-là s'est essayée? Oui, et cette personne-là avec qui je vis. Ah oui! C'est un peu stressant quand même, arriver à l'aéroport. Il faut que tu... Tu vives, comment dire, il faut que tu vives dans une situation de relâchement? Mais ah non, ça, Dieu, non, de lâcher prise, ouais, c'est ça. Mais ça, c'est les fameux passeports de 10 ans. Parce que depuis qu'on a le 10 ans, la possibilité d'avoir des passeports valides pendant 10 ans au Canada, on oublie, hein? Ah, on oublie de regarder. Donc, c'est pour ça qu'à cette période-ci de l'année, moi, je dis toujours aux gens, là, si vous voyagez cet été, prenez la peine de regarder si votre passeport arrive à échéance. On ne sait jamais combien de temps ça va prendre avant d'avoir un nouveau passeport. Mm-hmm, on ne veut pas s'ajouter ce scénario-là de plus à tout notre stress. Puis en plus, pour ajouter aussi, dans certains cas, les visas. Oui. Allez-y, Marie. Non, mais j'allais dire, ça aussi, c'est important, la question des visas, parce qu'on est quand même très privilégié au Canada, il faut le dire. Là, si vous connaissez le site Visa Index, Visa Index, je vais le dire en français, qui classe chaque année les passeports selon, et là, je le mets entre gros guillemets, le degré de liberté qu'ils procurent, c'est-à-dire le plus grand nombre de pays où les citoyens peuvent voyager sans avoir besoin, justement, de demander un visa. Mais le passeport canadien se classe très bien. Là, il se classe 6 au monde. Donc, on peut voyager dans près de 190 pays là, sans visa. C'est pas très problématique de façon générale, mais il y a quand même une quarantaine de pays où on doit absolument se procurer un visa. Ça aussi, ça peut être long. Ça aussi peut avoir des délais. On peut parfois ne pas remplir les demandes correctement. Pour plein de raisons, c'est aussi une bonne idée de s'y pencher tôt. En Chine, en Inde, en Russie, en Turquie, par exemple, on a besoin de demander un visa. Ça, encore une fois, voyage.gc.ca, ça reste pour moi la source la plus pratique, la plus pertinente aussi, pour voir tout au même endroit. Moi, je trouve que oui, c'est intéressant de visiter ces sites-là comme Visa Index, mais reste que avoir les informations directement du gouvernement canadien, on peut se dire, c'est pas mal la source la plus fiable et la plus à jour. Donc, encore une fois, c'est peut-être plus facile aujourd'hui aussi de remplir ça par voie électronique qu'avant, quand il fallait aller à Ottawa ou au bureau du consulat. Ah oui, donc on peut obtenir les visas par voie électronique? Généralement, oui. Je pourrais pas parler pour chacune des destinations parce que j'ai pas fait de recherche exhaustive à ce sujet-là, mais je vous dirais que moi, les dernières fois où j'ai eu à en demander, j'ai toujours pu le faire par voie électronique. Ouais. C'était très simple aussi. Ça dépend. De le faire. Moi, je suis allé en tournage en Chine à un moment donné, puis c'était vraiment la croix et la bannière. Ah ouais. Hein? Mais long comme ça, là, c'était quelque chose. Il y a pas mal de monde qui ont vécu toutes sortes d'épisodes assez rocambolesques aussi en Inde l'année dernière avec tout ce qu'on a eu dans l'actualité. Il y a des moments où on ne pouvait plus y aller, on ne pouvait plus. Il n'y avait plus de visa à louer aux Canadiens, après il y en a eu. Bref, c'est ça. Encore une fois, suivons l'actualité et informons-nous adéquatement avant de partir. Je pense que c'est pas mal la clé. Mais passeport 6 mois avant l'échéance, bonne idée de toujours l'avoir à jour, même si on n'a pas nécessairement de voyage prévu dans la semaine qui suit. Là, prenons le temps le temps de le faire. Ouais. Parce qu'imaginez, quand vous arrivez au comptoir de la compagnie aérienne et qu'on vous dit que le passeport... Quel cauchemar. Ça m'est arrivé. Sérieux? Oui. Et j'avais un tournage en France. Mon Dieu! Le surlendemain. Puis finalement? Et j'ai réussi à faire refaire mon passeport. Ah, oh mon Dieu, je pensais qu'on allait avoir un témoignage avec ce sujet-là. Je suis allé au bureau des passeports. Mais vous avant que le bureau ne fait. Mathieu. c'est un des moments dans ma vie les plus horrifiants. J'ai pas eu une vie très difficile, je dois vous le dire. Mais tu te sens très, très mal. Tu te sens vraiment très, très mal. Je comprends. Et finalement, j'ai réussi, je suis arrivé à temps. Bravo. Ah oui, OK. Ouais. Mais c'est... On dirait que j'ai chaud, j'ai des sueurs froides pour vous, Mathieu. Tu te liquéfies un peu comme Audrey Tautou dans Le fabuleux destin de... Oh. Voilà, merci. Pour d'autres raisons. Oui. Merci, Marie-Julie. Quand la vie me pogne et pique, je m'en vais me prendre chez le mol en famille. Au tableau des nouveautés, y'a jamais rien qui me situe. Même quand j'ai le temps de me remettre en question, car je suis dans la ville. Je dois vous avouer, j'ai un faible pour la diphtongue. Oui. Et la diphtongue sur le « i » me titille. Ah oui, ben justement. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, c'était bleu, jeans bleu. Et on va maintenant donc révéler cette fameuse partie du corps. Mais allons-y, c'est ça avec castor. La question de notre auditrice ah là là, quand même. OK, ouais, c'est Caroline Cormier, enseignante de chimie au cégep André Laurendeau. Roxane Tremblay, on va la nommer, elle ne demandait pas de l'anonymat. Comment la vanille artificielle est-elle faite? Et là, c'est la deuxième partie. Vous allez voir, ça escalade très rapidement. Est-ce que ça implique... des anus de castor. Ah, c'est hey, là, là. Hein? C'est un peu surprenant comme question. Il y a comme deux niveaux hein, dans cette question. C'est comme si tu mets la pédale de fuzz là, sur ta guitare. Ouais, exactement. Ouais, fait que dans le fond, on rentre dans cette question un peu rock'n'roll, hein, ouais. Disons comme ça. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par ne pas aller directement sur cette question-là. Puis je vais vous parler tout bonnement de la vanille, pour commencer. Avant de parler des anus de castor. Effectivement. On commence par la vanille. Effectivement. Mais par contre, je pense que... ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer tout ce dont je vais vous parler à propos de la vanille. Puis je vais vous le demander à vous, à la fin de ma chronique, dans le fond. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il s'agit d'un mythe ou est-ce que c'est vrai, cette histoire que la vanille synthétique viendrait d'anus de castor? Menez-nous en bateau, Caroline. C'est bon. Donc, la vanille artificielle, la vanille synthétique, ça fait directement suite à une des chroniques que j'ai présentées il y a quelques mois où je vous ai justement parlé de la vanille synthétique. Je vous parlais du composé qui est à l'intérieur de la vanille, qu'on appelle la vanilline. Puis là, ça vous avait beaucoup fait rire parce que là, vous aviez fait une référence à Milli Vanilli. Une blague sur Milli Vanilline. Que je trouve, par ailleurs, quand même encore très bonne. Mais ma collègue Véronique Laurie, je pense qu'elle arrive encore maintenant. OK, mais vous la remercierez, vous direz qu'elle a du goût. Je vais lui dire certainement non, ça. Continuez. Bref, dans la vanille naturelle, il y a effectivement ce composé, la vanilline. C'est le composé qui évoque le plus clairement l'odeur de vanille. Uh-huh. Mais dans la vanille naturelle, il n'y a pas que cette molécule-là. Il y a toutes sortes d'autres composés qui donnent une espèce de richesse puis de profondeur. La vanille naturelle, en fait, elle vient d'une fleur d'orchidée qui est principalement là, cultivée de nos jours là, à Madagascar, mais aussi en Indonésie. Mais initialement, ça vient de l'Amérique centrale, sud de l'Amérique du Nord, là, du Mexique. On dit que, là, en fait, c'est peut-être apocryphe, là, mais il y aurait Hernán Cortés qui serait arrivé au Mexique puis il aurait vu l'empereur aztèque Montezuma qui buvait une boisson de chocolat qui était parfumée à la vanille. Et puis, c'est ce qui aurait inspiré là, la culture industrielle de la vanille parce que ça a été rendu très populaire en Europe. Le problème, c'est que bon, la France aurait voulu avoir de la vanille et puis, bon, il y avait les colonies dans l'océan Indien, là, Madagascar, La Réunion, dans ce coin-là. Mais il n'y a pas les insectes pollinisateurs qu'il y a en Amérique. Donc, on essayait de faire cultiver cette fleur d'orchidée. Ah, mais on ne savait pas pourquoi ça ne fonctionnait pas. Ça ne faisait pas les gousses parce que l'insecte n'était pas là. Au 19e siècle, il y a une technique manuelle qui a été développée pour fertiliser à la main les fleurs. Mais là, il faut imaginer, chaque fabrication de vanille naturelle, c'est très complexe parce qu'il faut laisser pousser la fleur. Il faut, les gousses, c'est quand même très long après avoir été fertilisé. Ta vanille. Oui, puis ensuite, c'est pas tout, parce que la vanille, les composés qu'on trouve à l'intérieur, dont la vanilline, c'est des composés qui sont pas nécessairement présents dans la gousse, quand la gousse est encore fraîche, quand elle est encore sur le plant, parce que c'est des composés antibactériens qui se forment quand la gousse est attaquée. C'est pour se défendre. Mmh. Dans le fond, il faut cueillir les gousses, les attaquer, c'est-à-dire soit les monter à très haute température en les plaçant au soleil pendant des jours et des jours et des jours. Puis là, la gousse va se mettre à essayer de fabriquer ces composés-là pour se protéger. Puis toute cette mixture chimique-là qui va se former au fil des jours va former cet arôme naturel de vanille. Extraordinaire! C'est très cher, justement, parce que ça nécessite un grand processus manuel. Donc, c'est pour ça que la vanille naturelle, c'est la deuxième épice la plus chère, après le safran. Wow. Donc, de nos jours, la vanille, c'est surtout de la vanille synthétique qui est utilisée en particulier en Amérique. Ça vient d'où, ça? On l'a fait comment, madame la chimiste? Alors, il y a plusieurs... La vanilline elle-même, c'est un petit composé, une molécule relativement petite qui a plusieurs dérivés qu'on trouve dans toutes sortes de choses de la vie de tous les jours. Alors, on peut prendre les molécules qui proviennent de toutes sortes de sources et, chimiquement, en laboratoire, les convertir en vanilline de façon assez facile. Ah, ouais. Donc, on peut prendre, par exemple, de l'écorce d'épinards. On peut prendre de l'huile de clou de girofle, on peut prendre même des dérivés pétrochimiques, en particulier le guaiacol. Et puis, il y a des réactions chimiques plutôt simples qui permettent de transformer ces composés-là directement en vanilline. Donc, c'est le principe de la chimie organique. On prend quelque chose et on le transforme en autre chose. On peut-tu faire ça genre durant un 5 à 7 avec des amis? Genre, on vous invite, vous arrivez avec tous vos petits faudrait trucs. Que ça soit moi, faudrait que ce soit moi qui vous invite, que ça soit dans mon laboratoire, que tout le monde ait des sarraux, lunettes de sécurité. OK, donc ça se fait pas comme sous quoi une table? Non, ça nécessiterait des produits chimiques, une hotte, des accès à du matériel. Okay. Mais quand je dis assez simple, je veux dire, nous au cégep, on peut faire ça quand même assez facilement. Ouais. Là, c'est pas des choses industriellement très compliquées. Mais bref, tout ça pour dire que de nos jours, en particulier en Amérique, on dit qu'il y a 85 % de la vanille qui est consommée, qui est de la vanille synthétique en réalité. Puis de la vanille synthétique qu'on peut acheter aussi en épicerie, là, l'arôme de vanille synthétique. Ouais, c'est ça aussi? C'est beaucoup, beaucoup moins cher. Ça fait le travail pour, en particulier quand on ajoute ça, la vanille, à d'autres préparations chocolatées, par exemple, juste pour donner un peu de profondeur. Ouais. Pour utiliser la vanille naturelle, le prix que ça coûte et tout ça, il faut vraiment l'utiliser pour des fins spécifiques. Par exemple, c'est un dessert qui est uniquement parfumé à la vanille pour avoir une richesse dans le goût. Donc, un petit cupcake, là, je veux dire, où ça, c'est juste un petit... Non, prenez les dérivés pétrochimiques, ça fonctionne un très petit bien. Un cake au pétrole, au plywood, au pétrole. mais quand, par exemple, quand ça arrive des vins. Ben oui, exactement. Qui goûtent un peu la vanille. Est-ce que si on les injecte avec du plywood et du pétrole? Ça serait malhonnête. On les injecte avec rien du tout. C'est juste que les vins, il y en a plusieurs qui sont vieillis en fût de chêne. Bon, en fait, n'importe quel fût de bois. La lignine, la molécule, une des molécules principales du bois, peut se décomposer spontanément. Hein, ça réagit avec les molécules qui sont dans le vin. En vieillissant, la lignine va se transformer en vanilline. Donc, c'est le même composé que celui qu'on retrouve dans les petits gâteaux à la vanille, par exemple. Mais il est fait naturellement par le processus de vieillissement en fût. Donc, c'est vraiment, le principe. C'est vraiment... Sinon, il y a aussi une recette dans le sud des États-Unis, je la connaissais pas, mais c'est les arachides bouillis. C'est une espèce de... collation de tailgate du sud des États-Unis. C'est très commun. Des arachides bouillis? Oui, bouillis pendant plusieurs heures. Ça doit être bon. Ils sont bouillis en cosse, puis dans leur écale. Puis justement, comme l'écale, c'est un peu en bois aussi, ça développe des arômes de vanille. Ah. Donc, les arachides bouillis, oui, c'est un petit goût de vanille pour cette raison-là. Il y a de la vanille qui se crée in situ dans le fond. Je ne connaissais pas ça du tout. Puis c'est un petit snack de... De tailgate. De tailgate. Oui, ça a l'air très... De barbecue. Ça a l'air très là, sud des États-Unis. Je vais aller chercher les recettes tout de suite. C'est comme 14 heures à bouillir. C'est assez intéressant. Comme principe, oui. Bon. Mais là, on n'a pas parlé d'anus de castor. Bon, je vous pose la question. Là, je veux dire, c'est quand même ça le crunchy de cette chronique. Qu'est-ce que vous en pensez? La vanille synthétique, ça vient-tu d'anus de castor, Mathieu? Bien, là, vous n'êtes pas venu même proche d'en parler. Quoique le castor mâchouille du bois. Bon, regardez comme vous êtes capable de faire des liens. À l'autre bout. Effectivement, c'est pour cette raison-là. Les castors, ça mâchouille du bois. Ça ne forme pas uniquement de la vanilline, mais effectivement, il y a une glande. Le castor a une glande près de son anus, une glande anale, qui libère un composé qui s'appelle le castoreum, qui aurait un arôme un peu vanillé, justement, parce que le castor, ça mange du bois, ça vient de la même place, de la lignine. Mais finalement, tout ça pour dire, est-ce qu'on trouve ça dans les produits alimentaires? Je rassure tout le monde à la maison, on ne trouve pas de castoreum dans les produits alimentaires. C'est utilisé pour son arôme vanillé, de nos jours, de moins en moins, parce qu'il y a un côté de cruauté animale aussi. C'est clair, mais c'est utilisé exclusivement en parfumerie. Donc, vous pouvez dormir sur vos deux castoreum. Oreilles. Oui, c'est encore utilisé aujourd'hui, comme le musc de civette. Mais de moins en moins, justement, parce que les composés animaux, on essaie de s'en éloigner en parfumerie. J'imagine tuer un castor pour te faire un gâteau. À ce qui passe, c'est pas possible de l'endormir et de le traire aussi, mais ça sera... vous nous poserez la question. Ah non, mais c'est pas vrai. Oui. Oh mon Dieu. Non, mais je vais pas plus loin. Ah ouais. Traire ton petit castoreum pour ton petit gâteau, ton petit cupcake. Non, pour faire votre parfum. Mettez pas ça dans vos produits alimentaires. Merci, Roxane Tremblay. C'est... Ah, quand même! Quelle question! Ça valait la peine. Merci, Caroline Cormier. Merci. Moteur de recherche analyse pour vous le chiffre du jour. Et là, hein, ça fait des belles histoires quand même. Ça fait des images dans notre tête. Petit castoreum. On va parler tout à l'heure des fourmis, comment elles sentent le sucre notamment. Puis il sera question de comment on perçoit les différences d'âge. Est-ce qu'il y a une raison évolutive à ça? Auparavant, 15 ans, vous savez, selon la ville de Phoenix, c'est sur leur site en Arizona, la sécheresse qui sévit là-bas se trouve dans sa 15e année. 15e année. L'été dernier, durant une canicule particulièrement éprouvante, la population de Phoenix a vécu un répit, tenez-vous bien, lorsque le thermomètre est redescendu à 42 degrés Celsius. Ça avait fait les nouvelles, j'avais vu ça, j'étais comme, OK, on s'en va vers ça. Pourtant, un des domaines de l'économie de l'Arizona qui connaît une des plus grandes progressions est celui des centres de données, et plus particulièrement les centres de données dédiés aux fameuses intelligences artificielles génératives, comme ChatGPT. Et ce développement est pour le moment, d'une part, loin d'être carboneutre, et d'autre part, un formidable consommateur d'eau. On apprend ces chiffres, on va le dire, peu édifiants, dans une grande enquête qui a été publiée la semaine dernière dans l'excellent magazine The Atlantic par la renommée journaliste Karen Hao, H-A-O, et qui s'intitule, c'est ma traduction libre, « Quand l'IA va chercher son eau dans le désert ». Si vous avez fait une requête, par exemple, sur ChatGPT, une requête d'ailleurs, on va le redire, qui utilise jusqu'à 10 fois plus d'énergie qu'une requête normale, d'un moteur de recherche, il y a de fortes chances qu'elle ait été traitée dans un de ces centres de données en banlieue de Phoenix. La demande est tellement forte en IA générative que The Atlantic rapporte que Microsoft, à elle seule, la compagnie, investirait 10 milliards de dollars américains par trimestre. Par trimestre, jusqu'à maintenant, là, donc les derniers trimestres. Là. Microsoft possédait en 2021 plus de 300 centres de données dans le monde et sera actuellement en train d'en construire entre 50 et 100 nouveaux par année. En 2020, Microsoft s'est engagé à devenir carbonégative et hydropositive dès 2030. Ça veut dire qu'elle remettrait, entre guillemets, plus d'eau qu'elle en consomme. Comment? Disons qu'on n'est pas rendu là. Et carbonégatif, on n'est pas rendu là non plus. Mais ça, c'était avant l'arrivée des IA génératives qui, en l'état actuel de la technologie, on va le redire, là, sont vraiment très énergivores. En plus, comme la plupart des compagnies sont dans une course à les déployer, ces agents, littéralement partout, même dans des fonctions où ils ne servent pas vraiment grand-chose, la quantité d'énergie et d'eau qu'ils vont consommer va exploser. Selon une étude indépendante publiée dans une revue avec comité de lecture, on a observé que la demande en électricité provenant de l'IA pourrait atteindre 100 TWh dans le monde dans moins de 3 ans. Ça, c'est l'équivalent de la consommation de la Suède. Et c'est juste pour l'IA. Des chercheurs de l'université UC Riverside ont quant à eux estimé la quantité d'eau consommée par l'IA d'ici 2027. Elle pourrait atteindre, tenez-vous bien, entre 3 800 milliards de litres et 6 200 milliards de litres d'eau. Dans l'article, on nous rappelle que l'argument de l'industrie est de souligner que les avancées des IA génératives pourraient éventuellement, et le mot à retenir ici, permettent de trouver des manières de juguler la crise climatique. Ce à quoi une spécialiste de la question, que nous avons déjà reçue d'ailleurs ici à Moteur de recherche, la chercheure Sacha Luciani, répond dans The Atlantic, et là je la cite, « Les IA génératives, contrairement à des IA plus classiques, n'ont pas encore démontré les avantages environnementaux qui justifient l'augmentation de leur empreinte environnementale. » Comme le rappelait l'organisme The Shift Project, spécialisé dans le calcul de l'empreinte carbone, l'impact environnemental du numérique, dont la consommation énergétique croît de 10 % par année, est maintenant reconnu comme insoutenable et il continue à croître. Et s'il faut donc en croire cette enquête publiée la semaine dernière dans The Atlantic, en l'état actuel de la technologie, les ChatGPT de ce monde et leurs confrères contribuent actuellement nettement à cette tendance. Moteur de recherche, l'émission qui répond à vos questions en techno, science, santé et consommation. Alors maintenant, on va répondre à deux questions qu'on a reçues au sujet des fourmis. Deux questions vraiment hyper intéressantes. Une de Philippe Côté de Saint-Édouard-de-Masquinongé qui, lui, veut savoir tout simplement est-ce que les fourmis perçoivent le sucre par l'odeur, l'équivalent d'un nez qui serait peut-être dans leurs antennes? Est-ce que c'est les vibrations de leurs antennes? Bref, comment ça fonctionne, l'olfaction chez la fourmi? Et Maude qui, elle, veut savoir si les colonies de fourmis agissent comme un seul organisme, quelqu'un que ces questions intéressent au premier chef, puis d'ailleurs elle a fait déjà beaucoup de recherches sur ces questions, c'est Audrey Dussutour, elle est éthologiste, directrice de recherche au Centre national de la recherche scientifique et au Centre de recherche sur la cognition animale de l'Université Toulouse 3, où on la joint. Audrey Dussutour, bonsoir. Bonsoir. Audrey Dussoutour, on va commencer, je crois, par la réponse la plus facile, celle qui en fait répond à la question sur les odeurs, comment les fourmis perçoivent les odeurs. Est-ce que ce sont bien leurs antennes qui leur permettent de sentir, entre guillemets, le sucre? Oui, tout à fait. Chez les fourmis, l'organe olfactif, donc l'équivalent du nez chez nous, ce sont leurs antennes. Et donc, si vous avez un petit peu de confiture sur la table, elles vont pouvoir la percevoir à distance. Et ensuite, elles vont confirmer en fait leur découverte par le goût, parce qu'elles ont des récepteurs gustatifs. Là, ça sera plus au niveau de la bouche. Donc, voilà. Et une fois qu'elles ont perçu le sucre et qu'elles ont goûté le sucre, elles vont revenir à la colonie pour partager cette découverte avec les congénères. Et c'est pour ça que souvent, quand vous allez laisser de la confiture, vous n'avez pas une fourmi, mais beaucoup plus autour de ce peu de confiture que vous avez laissé sur la table. Ce qui nous emmène, bon, ça c'est entre guillemets relativement facile, mais ce qui nous emmène aussi à cette autre question qui est la manière dont les fourmis, justement, vont se rendre compte collectivement qu'il y a donc une présence de sucre à un endroit et comment ils vont le communiquer. Est-ce que la notion d'individualité chez la fourmi, elle est trop forte? Est-ce que de dire qu'il y a des individus dans des colonies de fourmis, ça ne s'applique pas? Si, il y a des individus, ils sont différents les uns des autres. On parle même parfois de personnalité chez les fourmis, mais elles agissent comme un ensemble tout de même, parce que habituellement dans une colonie de fourmis, vous avez une reine ou plusieurs, et la reine est la mère de toutes les fourmis dans la colonie. Donc en réalité, une colonie de fourmis, c'est une famille. Donc c'est un ensemble, c'est un collectif qui va œuvrer pour le même objectif. Et donc quand vous voyez ces petites fourmis sortir, par exemple, pour aller chercher de la confiture, elles vont partager cette confiture avec tous les membres de la colonie, parce que dans une colonie de fourmis, seuls 10% des fourmis vont sortir pour aller chercher de la nourriture. Et donc, il y a 90% des fourmis qui restent au nid et qui dépendent de ces 10%. Donc, il y a vraiment beaucoup d'entraide entre les fourmis. Et une fourmi qui a fait une belle découverte, donc par exemple de la confiture, elle va revenir au nid en laissant sur le sol une petite trace chimique. On appelle ça des phéromones. C'est comme le petit poussé, en réalité. Elle va laisser des petites traces chimiques sur le sol jusqu'à la colonie. Et les autres fourmis, elles vont sentir cette odeur et ça va les exciter un tout petit peu. Et ça va aussi les orienter jusqu'à la source de nourriture que l'autre a trouvée. Et petit à petit, vous allez avoir comme ça beaucoup de fourmis qui vont se déplacer vers la confiture, qui vont revenir vers la confiture et qui vont renforcer cette petite piste chimique. Et après, vous avez une autoroute entre la colonie de fourmis et la confiture. Donc, les fourmis, elles travaillent comme ça tout le temps en groupe. Là, c'est quand on parle de fourmis qui habitent en colonie. Mais on dit qu'il y a, et vous me corrigerez si je me trompe, qu'il y aurait 13 000 espèces de fourmis connues. C'est un bon chiffre, ça? Oui, tout à fait. 13 000 décrites, 27 000 estimées. 27 000 estimées, ça veut dire qu'il y a le double d'espèces qu'on ne connaît pas encore. Mais bon, donc 13 000 espèces, j'imagine qu'elles ne fonctionnent pas toutes de la même manière. Il y a des fourmis plus solitaires, il y a des fourmis qui fonctionnent en colonie. Est-ce que de manière générale, on peut dire que les colonies fonctionnent grosso modo de la même manière, Audrey Dussoutour? Oui, sur les 13 000 espèces décrites, elles sont toutes sociales. Donc, elles vivent toutes en colonie. Par contre, on a diverses tailles de colonies. Donc, on peut avoir des colonies qui font entre 30 et 50 individus, donc c'est toutes petites familles, jusqu'à des colonies de plus de 20 millions d'individus qui sont toutes sœurs, hein, elles aussi, qui partagent aussi la même mère. Donc, on a vraiment toute une gamme, mais elles sont toutes sociales. Ça, c'est vraiment un point commun des fourmis. C'est pas comme chez les abeilles où on va avoir des solitaires et des sociales. Chez les fourmis, elles sont toutes sociales, personne ne vit tout seul. J'imagine elles ne perçoivent pas tout l'environnement de la même manière. Dites-nous, est-ce qu'il y a des fourmis, là, vous avez mentionné tout à l'heure qu'elles avaient leurs antennes avec des appareils gustatifs. On sait que certaines fourmis sont complètement aveugles. D'ailleurs, elles sont très tributaires, dans ce cas-là, des signaux chimiques qu'elles peuvent repérer ou pas. Est-ce qu'il y a des fourmis qui voient mieux que d'autres? Est-ce qu'il y a cette différence-là selon les espèces? Oui, tout à fait, parce qu'en fait, tout va dépendre de la stratégie qu'elles utilisent pour aller chasser. Donc, les fourmis légionnaires africaines, qui sont plus de 20 millions dans la colonie, elles n'ont même pas d'yeux. Donc, elles sont totalement aveugles et elles se déplacent qu'avec des pistes chimiques. Donc, elles dépendent vraiment de l'odeur. Elles se déplacent toutes ensemble en groupe. C'est comme un magma de fourmis. Par contre, on va avoir des fourmis, par exemple, dans la forêt guyanaise, qui chassent en solitaire pour leur colonie, mais qui chassent, qui partent toutes seules chasser. Et elles ont des yeux énormes à l'inverse et elles mémorisent, par exemple, la position des arbres, la position du soleil pour retrouver leur nid quand elles partent chasser. Donc on a vraiment différentes stratégies qui vont dépendre de la taille de la colonie et de la façon dont elles chassent. Mais ce sont des animaux qui sont extrêmement petits. Et là, ce que vous semblez dire, c'est que la mémoire, en tout cas chez certaines espèces, notamment ces fourmis qui chassent en solitaire, elles semblent vraiment très développées. Ça a été étudié, on peut le dire, là, chez certaines espèces, elles ont une formidable mémoire. Oui, tout à fait. Il y a même des fourmis, par exemple les fourmis des bois, les formicas, elles sont capables de se rappeler d'une route pendant plus de 2 ans. Donc, c'est assez impressionnant. Elles ont une grande mémoire. Alors, elles ont un tout petit cerveau, mais dans ce petit cerveau, il y a plein de neurones qui établissent des millions de connexions les uns avec les autres. Et donc, il y a une certaine complexité malgré la petite taille du cerveau. Et donc, les fourmis sont capables de faire beaucoup de choses. Et d'ailleurs, elles utilisent beaucoup leur expérience passée pour, par exemple, chasser, être de plus en plus efficace à la chasse, etc. C'est un petit peu comme nous, on apprend petit à petit, on devient de plus en plus efficace. Ouais. Les fourmis, c'est pareil. Pour revenir, en fait, à la question de notre auditrice, Maud, ces colonies de fourmis, est-ce qu'elles agissent comme un seul organisme? Vous avez dit qu'il y a des différences individuelles. Évidemment, il y a des fourmis soldates, il y a des fourmis même qui, paraît-il, ça, vous allez me le confirmer, il paraît que dans des colonies, ça arrive qu'on voit des fourmis qui, littéralement, ne font rien, jamais. J'ai connu des gens à l'université comme ça dans des travaux d'équipe. Elles ne font rien et elles sont là seulement en réserve au cas où il se passe quelque chose. C'est vrai, ça? Oui, c'est vrai. On estime à peu près 10% les fourmis qui ne font rien dans la colonie et pourtant elles sont nourries et elles sont nourries, blanchies, etc. Elles servent vraiment au cas où il y ait une catastrophe. Donc on peut imaginer une inondation et toutes nos récolteuses, nos 10% de fourmis qui partent chasser, disparaissent. Mais ces fourmis, elles vont pouvoir prendre le relais. Et donc, ça sert un petit peu comme une soupape à la colonie. Et donc, c'est vrai que dans une colonie de fourmis, ça fonctionne comme un super organisme. Si on pouvait le comparer, c'est comme un corps humain où on a des cellules pour respirer, des cellules pour digérer, des cellules pour réfléchir. Chez les fourmis, c'est pareil. On va avoir en fait une division, ce qu'on appelle une division du travail. Il y a des fourmis qui vont s'occuper des jeunes. Il y avait des fourmis qui vont chasser. Il y a des fourmis qui vont être dans la construction. Il y a des fourmis qui elles, vont produire des nouvelles fourmis. Et il y aura des fourmis qui ne font rien. Il y a une autre chose, c'est fascinant. Il y a une autre chose, je m'en voudrais qu'on n'en parle pas, parce que ça semble encore, en tout cas aux béotiens que je suis et que nous sommes tous par rapport à vous, Audrey Dussoutour, qui semble quand même assez nouveau. Il y a un article sur lequel vous avez travaillé, en fait une recherche sur laquelle vous avez travaillé avec une étudiante qui s'intéresse à l'automédication collective chez les fourmis. Est-ce que vous avez réussi à démontrer que dans certains cas, les fourmis pouvaient aller chercher des composés chimiques dans l'environnement qui les aident à combattre des infections? Oui, exactement. Donc, j'ai fait ce travail avec Hémicoxata. Et donc, on a démontré que des fourmis infectées par un champignon parasite qui s'appelle Metarhizium, qui rentre dans le corps des fourmis, qui se reproduit et qui tue les fourmis, les fourmis elles pouvaient lutter en fait, contre ce champignon en allant chercher une nourriture différente qui habituellement est toxique pour les fourmis, mais qui dans ce cas-là va les aider finalement à lutter contre l'infection. C'est ce qu'on appelle vraiment l'automédication. Donc il peut y avoir une forme d'apprentissage même chez ces super-organismes dont les individus, en tout cas pris isolément, sont pas très forts, mais ensemble, donc on peut arriver à des résultats qui sont très différents. En terminant, Audrey Dussoutour, on vous a connu, en tout cas ici, moi je vous ai connu avec vos travaux sur le fameux blob, ce Physarum polycephalum. Si vous aviez à les comparer aux fourmis, est-ce que vous avez déjà des préférences entre le blob et les fourmis dans la manière dont ces organismes-là apprennent, vivent, réussissent à survivre dans des environnements hostile? Alors, je les aime tous les deux, mais il y a quand même un point commun. Alors, il y a beaucoup plus de complexité quand même chez les fourmis que chez les blobs, mais il y a un point commun, c'est que la façon dont ils vont résoudre des problèmes, elle n'est pas hiérarchisée. Comme chez les fourmis, il n'y a pas de chef, la reine, elle ne donne pas des ordres, c'est un petit peu le chaos organisé, mais qui marche. Mais chez le blob, c'est un peu pareil. C'est ce qu'on appelle de l'intelligence distribuée ou de l'intelligence collective chez les fourmis, c'est-à-dire que c'est la solution, elle émerge du groupe, elle n'est pas codée dans l'individu. Et donc ça, c'est assez magique parce que nous, on est très hiérarchisés dans nos sociétés humaines, on a toujours des managers, de managers, de managers. Ouais. Ben, chez les fourmis et les blobs, on nous montre qu'on finalement n'a pas besoin de ça pour être capable de résoudre des problèmes. C'est tellement, mais tellement intéressant. Puis, écoutez, je vous ai entendu souvent en discuter de ces choses. Puis, c'est aussi passionnant d'en discuter avec vous en direct. J'espère qu'on aura d'autres questions pour discuter de ces choses. Audrey Dussutour, merci beaucoup d'avoir répondu à ces deux questions de nos auditrices et auditeurs. J'appelle que vous êtes éthologiste et directrice de recherche au Centre national de la recherche scientifique et au Centre de recherche sur la cognition animale de l'Université Toulouse 3, où on vous joint. Merci beaucoup pour cette entrevue. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Pour réécouter notre émission, rendez-vous sur l'application Radio-Canada Audio. Une belle et longue question maintenant d'un auditeur, Mathieu Dubreuil, qui, lui, ce qu'il veut savoir, et là, c'est quand même... c'est délicat, je dirais, comme question et comme... réponse à élaborer autour de ça. Chez l'humain, croit-on qu'il y a un avantage évolutif à percevoir nos différences d'âge? Avantage évolutif. OK. Eugénie et moi, on a décidé de s'y coller. C'est pas facile. Eugénie, rebonsoir. Oui, je pense que c'était pas un choix éclairé de ma part quand j'ai accepté ça. Ouais. C'est-à-dire que c'est une question délicate, puis c'est ça. Disons, faut mettre des gants blancs et tout, là, parce que là, ça peut déraper rapidement, là, ce type d'enjeu-là dont on nous parle. En même temps, Mathieu, si les fourmis paresseuses ont un avantage évolutif à l'être, il y a peut-être quelque chose à creuser de ce côté-là. Ouais, comme les gens qui travaillaient pas dans les travaux d'université. Ah oui, non, ça, c'est incroyable. On en connaît, hein? Et qu'on en connaît. S'il y a une raison, ça passe peut-être mieux. Ah, oui, c'est ça. Donc on s'intéresse évidemment donc, à la biologie évolutive. Moi, je ne sais pas si vous vous souvenez, Mathieu, mais je m'étais intéressée un peu avec une autre question là, à la perception de l'âge chez un autre individu, sur quels critères on se base. Puis bon, on s'était, au fil des lectures, je m'étais rendu compte que les critères sont un peu flous. On se base beaucoup sur l'expérience. Donc là, on est vraiment... c'est une toute autre affaire. Donc, biologie évolutive, là, j'ai décidé là, que c'était hors de mon champ de compétences. Donc, j'ai contacté un spécialiste de la biologie évolutive, Sébastien Rioux-Paquette, qui enseigne au baccalauréat à l'Université de Sherbrooke. Donc, il est enseignant au baccalauréat en écologie. Il m'a donné quelques pistes que je vous transmets ce soir. Donc, évidemment, on se rappelle, Mathieu, que pour qu'un trait confère un avantage évolutif, il doit avoir une influence sur la survie et ou la reproduction des individus qu'il possède relativement au reste de la population. Donc, on doit se demander, c'est quoi l'avantage pour notre espèce d'estimer adéquatement l'âge d'un ou d'une partenaire potentielle? Et d'un point de vue très eugénique, on peut supposer que de s'accoupler avec un partenaire infertile, ça pourrait être coûteux pour la survie de l'espèce. Ben oui. Mais l'âge du ou de la partenaire ne serait en fait qu'un indice parmi d'autres. Ah oui, mais pourquoi l'âge n'est pas si important que ça? Bien, Sébastien nous rappelle en fait qu'en éco-évolution, c'est pas tant l'âge ou le vieillissement qui est important, mais plutôt la notion de sénescence. Ah, en fait, évidemment, on vieillit tout au long de notre vie, et ça à partir de notre premier souffle. Mais la sénescence, c'est plutôt la période entre la maturité et la mort. Puis, c'est la période... la sénescence, c'est tous les changements qui s'opèrent dans l'organisme durant cette période-là. Donc, c'est une période qui va se caractériser chez certaines espèces par une moindre capacité à se reproduire, et donc une baisse de ce qu'on appelle le fitness, où donc la valeur sélective, soit la capacité d'un individu d'un certain génotype à se reproduire. Puis cette diminution du fitness-là peut être due à la fois à une baisse de la survie et de la fécondité ou à un seul de ces éléments-là. Et contrairement au vieillissement, ce ne sont pas tous les animaux qui ont la chance ou la fatalité de vivre la sénescence. Ouais. Si on prend, par exemple, les animaux à sang froid, on peut penser à des tortues immenses centenaires. Mais les femelles, plus elles grandissent, plus elles sont productives en termes de reproduction. Donc, elles ont une croissance qu'on appelle indéterminée. On peut donc se fier à sa taille dans le cas de cette tortue-là. et donc à son âge pour prédire son fitness. Mais la tortue, c'est seulement un exemple. Chez les animaux à sang-froid, plus on est grand, plus on est prospère, plus on a de l'énergie à consacrer à sa reproduction, plus on est fécond, compétitif et plus on s'assure de survivre. Donc, les animaux à sang-froid vont choisir leur partenaire en fonction de la taille. Puis comme l'âge est corrélé positivement à la taille, bien, indirectement, ils choisissent leur partenaire en fonction de l'âge. Des vieux en santé fertiles. Hein? On peut le... Et gros! Des gros vieux fertiles. Je voulais pas aller là, mais non, oui, mais regarde, c'est comme ça. J'essaie de jouer au professeur. C'est correct, ça? C'est très bien. Hein? On s'en rappelle bien. Comme ça, hein, Caroline? Caroline, mais... tantôt, parlait de l'anus du castor. Ben oui. Ben... C'est vrai que c'est édifiant comme émission aujourd'hui. Mais chez les autres animaux à sang chaud, les endothermes, dont le castor et son castoréum font partie. Le castor, c'est ça. Oui, le castor, c'est un... Il a une queue plate, lui. C'est pas un ornithorynque, c'est un mammifère. Oui. Ouais. Donc, c'est un endotherme, comme les mammifères placentaires dont nous, donc pour lui, le castor, et pour nous, la croissance s'arrête à un moment donné. Donc, on peut plus se fier à sa taille pour choisir un partenaire de son choix. Ça veut rien dire. Mais comme plusieurs des animaux connaissent une phase de sénescence, soit une fin ou une diminution, en fait, de la période reproductive, ça pourrait devenir intéressant... Toujours d'un point de vue évolutif, de discriminer ben oui, entre jeunes. Parce qu'on veut pas. Mais là, on enlève le côté émotif. C'est que on évolutivement, c'est pas payant. Si on n'est pas capable de déceler ça. Mettons qu'un animal n'est plus fertile. Oui. Si on le voit pas, ben là, on va s'accoupler. On va penser que l'espèce va se poursuivre, puis oui, que les gènes vont se transférer, mais ça marchera pas. Non, c'est ça. C'est juste qu'il faut quand même préciser, parce que là, on va glisser lentement vers la question de la ménopause, mais il faut quand même préciser tout de suite qu'en ce qui concerne les humains, la baisse de la fertilité au fil du temps ne touche pas seulement les femmes. C'est souvent de ça qu'on parle, mais les hommes aussi connaissent une baisse de fertilité oui, moins drastique, mm-hmm, mais bien réelle. Mais notre attention en Occident reste concentrée, et ce depuis l'époque des Lumières, sur cet aspect qui est unique à Homo sapiens et à quelques espèces de cétacés, la ménopause. Puis d'ailleurs, c'est ça, c'était fou cette question-là de Mathieu Dubreuil, parce que là, je me suis mis à penser à plein d'autres questions, puis à essayer de trouver des réponses. Puis donc, c'est ça, c'est d'un terrain glissant, on s'en va vers l'eugénisme et tout. Puis c'est aussi que ces questions d'ordre biologique évacuent souvent toute la question, les préoccupations sociales, toute l'influence de la sociologie, ben oui, en fait. Puis il y a bien des biologistes qui l'avouent. Je pense à Cyril Barrette, biologiste bien connu, spécialisé en évolution, qui a écrit un livre pour dire comment la culture était tellement importante, justement, chez l'espèce Homo sapiens, et que ça venait aussi contrecarrer cette évolution, disons, biologique telle qu'on la connaissait depuis des millions d'années. Oui, il y a même un chercheur qui a posé sa question de recherche, c'est est-ce que le fait que les hommes choisissent des femmes plus jeunes a un rôle évolutif? Mm-hmm. Et lui, il évacuait dans sa recherche, puis il se basait sur un modèle mathématique, mais il évacuait complètement donc, la construction sociale autour de ça. Ouais, ouais. Donc, c'est ça, elle est là, la pente glissante. Ouais. Mais maintenant, vous avez parlé de la ménopause, oui, puis justement, le rôle évolutif du fait que ça aurait été conservé, parce qu'il n'y a pas que... Vous avez mentionné que les cétacés la connaissent aussi. Ce serait quoi l'avantage d'avoir conservé ça? Mais il y a une hypothèse qui adresse cette question-là. Cette hypothèse-là s'appelle l'effet grand-mère. Puis en fait, la longue période post-fertilité qui est la ménopause ne s'expliquerait pas par l'augmentation de l'espérance de vie. Puisque la femme ménopausée, puis ça sonnerait pas non plus le glas de la reproduction, puisque la femme ménopausée peut continuer à prendre soin des plus jeunes de son clan, donc ses petits-enfants qui possèdent un quart de ses gènes, et ainsi contribuer à leur survie et celle de son espèce. On entend par là, en fait, l'effet grand-mère, c'est du fitness inclusif, si on veut. Donc, au fil de l'évolution, les jeunes prennent de plus en plus de temps avant d'être à même de répondre à leurs besoins. Il y a une étude intéressante d'un anthropologue, Hillard Kaplan. Donc, en 1994, lui avait étudié un groupe autochtone péruvien, donc qui vivait à l'écart de la société moderne. Puis lui, il avait évalué que les membres de cette population-là, de cette communauté-là, auraient besoin de 14 millions de calories fournies par d'autres avant d'être autosuffisants sur le plan nutritionnel jusqu'à l'adolescence. Je suis persuadée qu'il y a plein de parents qui nous écoutent qui disent « Chez nous, c'est le double. » Si, Claire. Mais là, donc c'est ça. Donc, c'est cette notion-là de fitness inclusive. Donc, il y a une utilité à être toujours là, ouais, une fois la ménopause arrivée. Voilà. Voilà. Mais bon. À bémol. Oui, mais c'est intéressant parce que ça fait intervenir les questions de culture également. Puis on se rend compte que chez nous, en tout cas chez Homo sapiens, il semble y avoir des paradoxes entre le leg biologique et le fait que la culture vient contrecarrer ou accélérer, oui, les choses. Oui, effectivement. Voilà, ben merci beaucoup Mathieu Dubreuil pour cette question quand même compliquée. Merci d'avoir pris le temps d'y répondre, Eugénie. Ça m'a fait plaisir. Les onglets de nos collaborateurs. Marie-Julie, qu'est-ce que vous nous proposez? Alors, moi, je ne sais pas où j'étais, sur quelle planète j'étais en 2013, mais je suis passée à côté d'un roman absolument captivant qui s'appelle Americana de Chimamanda Ngozi Adichie, qui est originaire du Nigeria et qui raconte comment elle est arrivée aux États-Unis avec tout ce que ça comporte de stéréotypes à propos de ce grand pays qu'est l'Afrique, n'est-ce pas? Fabuleux, ouais, et toujours d'actualité. On sent l'ironie. Donc, à lire et relire et relire encore. On va mettre le lien sur la page de Moteur. Eugénie, le portrait de Joyce Carol Oates dans le New Yorker. Ouais, fascinant portrait de l'autrice de 85 ans, très prolifique, et de sa quête qui teinte à la fois son œuvre puis surtout sa vie personnelle. Est-ce qu'on peut avoir l'imagination sans que notre identité en paie le coup? Très intéressant, ça, ouais. On termine avec vous, Caroline, le roman Noir deux tons. Ben oui, si j'étais comme Marie-Julie puis que je prévoyais dans les prochains jours m'en aller au lac Saint-Jean, certainement que je lirais cette histoire qui se passe au lac Saint-Jean. Des personnages qu'on n'a pas l'habitude de voir dans des romans, des poseurs de bardeaux. Oh. C'est fascinant. C'est comme une histoire de banlieue, mais ben c'est là, vraiment trash. Un roman sur des poseurs de bardeaux. De Sébastien Gagnon et Michel Lemieux. C'est fascinant. Je veux lire ça. Merci beaucoup. Toutes les suggestions sont sur la page de Moteur. On est là demain, 19h. Bye bye! Ici Madeleine Blais-Morin. Après avoir réussi le test du super mardi, Joe Biden doit maintenant affronter celui du discours sur l'état de l'Union. Rendez-vous à Sanurga. Ce soir, 18h, Maritime 19h, sur RCI Première. Cette semaine, on se demande comment découvrir des nouvelles musiques quand on vieillit. Et avec une neuropsychologue, un musicologue et un interprète, on s'initie à des sons vraiment bizarres. Parce qu'il n'est jamais trop tard. Les idées folles, ce soir, 21h, sur RCI Première. Vous écoutez ici Radio-Canada Première. Au 105.1 à Kitimat et au 96.9 à Terrasse. Du cœur aux idées. Bonjour, ici Greta Juris. Au Québec, l'opposition accuse le gouvernement Legault d'avoir menti dans le dossier Northvolt. Pour la première fois, le ministre de l'Environnement, Benoît Charette, a avoué avoir voulu éviter à l'entreprise suédoise un examen du Bureau d'audience publique sur l'environnement pour accélérer les travaux de la méga-usine de batteries à Saint-Basile-le-Grand et McMasterville. Les maires des deux municipalités, Yves Le Sarre et Martin Dulac, soutiennent que l'acceptabilité sociale est encore au rendez-vous, mais que Québec doit faire preuve de transparence. Ça demeure accepté dans la population. Là où c'est moins accepté dans la population, c'est la façon de faire. Alors, il faut que ça soit fait livre ouvert. Moi, ce qui m'intéresse et ce qui me rassure, c'est de savoir qu'il va y avoir des évaluations environnementales qui vont être très, très strictes. Et nous, c'est ce qui nous intéresse en bout de ligne comme administration municipale, là, c'est de savoir que ce projet-là va se faire dans les règles de l'environnement, puis que Northvolt va faire preuve de la plus grande prudence dans le cadre de ce projet-là. Tous les partis d'opposition réclament la tenue d'un examen. Le ministre de l'Environnement et Northvolt persistent et assurent que même sans BAP, le projet se plie au processus environnemental. Ottawa a conclu une entente de 7 millions de dollars avec Michael Spavor, détenu pendant près de 3 ans en Chine pour espionnage. Le consultant canadien menaçait de poursuivre le gouvernement fédéral dans cette affaire. Michael Spavor accusait le diplomate canadien Michael Kovrig, de son co-détenu, d'avoir partagé des informations qu'il lui avait transmises sur la Corée du Nord. Le gouvernement Trudeau et Michael Kovrig ont nié ces allégations. Le premier ministre d'Haïti, Ariel Henry, est toujours coincé à Porto Rico. De retour d'une mission diplomatique au Kenya, il lui est impossible de rentrer dans son pays en raison des violences qui y sévissent.

Enfant, elle a un tempérament très turbulent, mais quand elle s'installe au piano, tout à coup, elle se calme et réussit à se concentrer. À 8 ans, elle dit à ses parents, en regardant un match de hockey à la télévision, « Un jour, je serai musicienne pour le Canadien ». Elle choisit d'étudier en musique et suit une formation classique en piano à l'Université McGill. En 1987, Diane Bibeau réalise deux rêves, ouvrir son magasin d'instruments de musique, qu'elle possède toujours, et devenir l'organiste du Canadien de Montréal. Elle est vite sur ses patins pour interpréter des airs qui font réagir les partisans. C'est aussi une naturelle des médias, authentique et divertissante, pas étonnant que Marc Labrèche l'invite régulièrement à participer à ses émissions. Comment ses parents adoptifs l'ont encouragée à travailler pour le Canadien? Comment a-t-elle convaincu Serge Savard de l'engager? Quelle est sa préparation avant un match? Voici l'électrisante Diane Bibeau. Les grands entretiens avec Stéphane Leclerc. Au Centre Bell. Absolument. Avec Diane Bibeau, ce n'est pas l'orgue du Centre Bell que vous avez apporté avec vous en studio aujourd'hui. Non, c'est un double d'un des claviers dont j'utilise là-bas. Donc ça, c'est un de vos claviers à vous. Oui. Combien de pianos, orgues, claviers possédez-vous? J'en ai 11, puis ils ont tous un nom chaque. Comme? Ruffle, Fritos, Doodle, Tipoc. Et j'en passe. Mes motos, c'est pareil. Ça, on va s'en parler. Vous êtes une passionnée de motos aussi. L'orgue avec lequel vous jouez au Centre Bell, oui. Est-ce que c'est le même qui était au Forum de Montréal à vos débuts il y a plus de 35 ans? En 87, exactement ça. C'est le même orgue? Absolument. On n'a jamais mis le tournevis dedans. Il n'a jamais fait de défaut, à part d'un input jack, c'est sûr, rentre-sort à un moment donné. Mais le reste, c'est 100%. Il s'appelle comment? Tipoc. C'est vous qui l'avez baptisé. Absolument, comme ça. Absolument, oui, oui. Ouais. Alors, quelles sont ses caractéristiques? C'est quoi la marque de cet orgue? Bien, regardez bien ça, c'est drôle, parce que c'est Bontempi Farfisa. Puis on faisait des jokes quand j'ouvrais mon magasin, on disait « bon pour le vendeur, tant pis pour le client ». Mais Bontempi détient 80 % des jouets musicaux. Il faisait, c'était des suppositoires d'orgue que j'appelais dans le temps de la pièce, c'est 44. Chez Wilco, je jouais sur des Bontempi. Puis c'était des orgues avec des fous, tu sais, des soufflettes comme une balayeuse. Ouais. C'était des cochonneries. Mais ce département-là, c'est un département professionnel. Et j'ai été invitée en Italie avec mon mari à aller voir l'usine. C'est extraordinaire. C'est européen, c'est italien. Alors, c'est comme Farfisa aussi. C'est un orgue analogue. Et donc, le son de cet orgue-là, oui. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Bien, c'est un son analogue, donc c'est pas un son électronique. Le son électronique, c'est quasiment trop parfait. On peut pas dealer avec. C'est comme un char électrique puis un char à carburateur. S'il y a un problème de carburateur, on ouvre le capot, puis on peut faire une vis puis essayer de contrôler l'allumage. L'électrique, tu marches ou tu pètes. C'est la même chose. Mais ça prend les deux. Le halt-là que vous nous avez interprété, est-ce que c'est l'extrait musical que vous avez joué le plus souvent en 35 ans? Depuis des lunes. Puis c'est reconnu au monde. Je jouerais ça au Japon, puis tout le monde connaîtrait ça. Mais c'est spécifique aux Canadiens. Oui, absolument. Ben oui. J'ai été invitée par les Rangers de New York. C'est sûr que j'aurais pas joué ça là-bas. Je serais fait mettre dehors. Parce qu'ils connaissent tout ça, là. C'est en 2014... que les Rangers vous ont invité à jouer au Madison Square Garden. On peut rien vous cacher. Donc, ils vous ont invité pourquoi? Parce qu'ils avaient besoin d'électriser non, le Madison Square Garden? Non, ils appelaient ça, je me rappelle pas comment... Invited Organist ou je sais pas. Je suis une légende, puis pour eux autres, ils m'ont invité pour aller faire une prestation. J'étais mal à l'aise. J'ai amené ce clavier-là justement parce que je voulais pas prendre les claviers de l'organiste là-bas par respect.